Nous revoici, nous revoilà. Merci pour le resub, Akidabda. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Alors, commençons. Alors, ça fait la 10e fois que je dis alors, mais est-ce que tu m'entends déjà? Oui, on t'entend. Ouais, tout J'avais peur que j'avais peur d'avoir un souci, j'entendais on pas est très bien. discipliné ce soir, on te laisse parler. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi? Comment ça se fait que ça parle pas pendant que je parle? Donc, on s'était arrêté à la dernière session sur. Bah, vous étiez donc à la basilique Saint-Marc, où vous vous teniez dans une des alcôves de cette basilique, devant. Une dalle un peu plus sombre que les autres, dont le mortier qui scellait celle-ci était un peu plus effrité, un peu plus usé, on va dire. Avant de vous trouver ici, eh bien, vous avez passé un peu de temps dans la bibliothèque de Venise, en compagnie d'un étudiant, Foscari, qui vous a bien aidé et qui vous a permis de trouver des documents en rapport avec des soldats de Napoléon, et notamment un soldat en particulier, puisque c'était le capitaine Dubois, qui faisait un rapport sur un événement qui s'est passé lors de leur présence dans le quartier, faisant état de problèmes avec les gens du quartier sur une malédiction, une maladie qui viendrait troubler les gens et qui causerait des problèmes aux jambes. Ah, nous avons récupéré notre chère Gonadine. Et finalement, il s'est avéré que un des soldats de ce capitaine Dubois possédait, eh bien, une jambe gauche de taille humaine, en porcelaine ou quelque chose qui ressemble, assez atypique, et qui, bah, a priori, était la cause de tous ces problèmes. D'ailleurs, même la fille de ce capitaine Dubois a été touchée par cette malédiction, ce qui a poussé un petit peu, bah, le capitaine Dubois à prendre cette jambe et à la cacher, justement, dans la basilique Saint-Marc, puisqu'il s'est dit que dans la maison du Seigneur, eh bien, cette malédiction devrait pouvoir être conjurée, ce qu'il s'est passé effectivement, puisque suite à ça, eh bien, l'ensemble du quartier, du voisinage, a retrouvé santé et joie de vivre. Et voilà, donc c'est pour ça que vous êtes rendu, effectivement, à la basilique Saint-Marc, et récupérer cette jambe qui se trouve a priori sous la dalle que vous êtes en train de regarder. Juste avant qu'on s'arrête, vous avez fait un jet de géologie qui a, on va dire, semé un peu le désordre parmi vous. Puisque Catherine, elle, est persuadée et sûre d'elle-même en disant que cette dalle est en pierre ponce et donc très légère. Et par contre, Emilio, lui, n'en démord pas et il est sûr de lui également en disant que, eh bien, cette dalle est faite d'un bloc de fer météoritique et donc très lourd. Peter, lui, de son côté, eh bien, il est tout à fait d'accord avec Catherine. Il pense que Emilio a tort, hein, et que Catherine, son exposé, sa façon de son expertise, eh bien, est la bonne. Alors que de son côté, Albert, lui, ne sait pas trop, mais c'est vrai que Catherine pourrait avoir raison. Vous êtes donc maintenant devant cette dalle. Vous savez qu'il faut la soulever pour récupérer cette jambe. On est en pleine journée, il y a des gens qui passent à côté de vous. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse la main. Déjà, nous n'avons même pas les outils pour... J'ose penser qu'une pierre comme ça, on ne peut pas la soulever à main. À main nue. Écoutez, si c'est vraiment une pierre ponce, ça va être super facile à porter. Mais bon, comme personne ne veut m'écouter, allez-y, je vous regarde. Mais l'avantage, c'est que du coup, pour nous préparer, on a besoin de moins se charger pour porter un objet très lourd. C'est ça. On va pas le faire là maintenant. Je veux dire, on le retire maintenant. Les gens vont nous regarder super bizarrement. C'est un peu le problème. Mais en fait, c'est l'avantage. C'est que si jamais c'est vraiment de la pierre ponce, c'est ce que je pense, parce que je me suis quand même renseigné. 100% des pierres actuellement sont ici même. Cette dalle-là est en pierre ponce. Je pense que ça nous avantage, en tout cas, une préparation plus facile. Parce que si ça serait votre pierre météorologique, je n'ai pas très bien compris. Météorique. Météorique, c'est ça. Ouais, soit, mais ça nous demanderait des outils conséquents. Et on a l'avantage, c'est que, comme semblent le dire nos amis, effectivement, ça a l'air plus de la pierre ponce, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de s'encombrer d'outils lourds. Je ne serais pas si sûr quand même, parce que même si elle est relativement légère, c'est quand même une belle pièce. C'est pas dit qu'on arrive à soulever ça si facilement. Écoutez, si jamais c'est la pierre ponce, on peut même la soulever à main nue. Hein. C'est simple. Ah, tu vas te mettre sur la pierre pour qu'on étore, c'est ça? Bon, alors stop. non, je suis d'accord, de toute façon, on ne va pas la soulever maintenant. Et là, nos chamailleries vont peut-être attirer des gens, on ne voudrait pas trop. Mais moi, il y a un détail quand même. Il y a un détail qui me turlupine, c'est ce mortier autour qui semble assez friable. Et est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser la question, est-ce que la dalle n'a pas déjà été soulevée? Tu penses? Mais je sais pas. Est-ce que ce mortier, il est friable parce que c'est ancien et que bon, mais ça a mal vieilli? Mais d'un autre côté, je me dis quand même, ce qui est ancien vieillit plutôt bien. Il y a des édifices qui résistent, au temps beaucoup mieux que des choses qu'on peut fabriquer, que des choses plus récentes en fait. Du coup, je ne sais pas trop sur quelle théorie m'appuyer. Je pense que dans tous les cas, il n'y a qu'une façon d'avoir le cœur net, c'est d'aller voir ce soir ensemble. Si elle a déjà été soulevée, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été prendre du coup ce qu'il y a ci-dessous. Et quand je dis ce qu'il y a ci-dessous, je baisse un peu le ton de la voix pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise voix qui vienne entendre. Mais je pense que soit on arrive trop tard, soit c'est pas le cas, mais je sais pas. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'il faut revenir ce soir. Il faut trouver un moyen pour être là ce soir quand il n'y a plus personne, quoi. C'est la seule chose, en attendant, on pourrait peut-être visiter un peu mieux les lieux. Peut-être qu'il y a un sous-sol. Peut-être on peut passer par-dessous, voir comment ça se présente. Venise, il n'y aura pas de sous-sol. La ville est sur des pilotis, ça, c'est pas possible. Et moi, je me demande si les autres caveaux sont faits de la même pierre ou pas. Alors... Je regarde quand même si ça m'a l'air d'être la même pierre sur le reste des. Bah, des il autres. Faudrait que dans un premier temps tu te déplaces, puisque en fait, il faut que tu l'imagines que t'es en espèce d'alcôve, tu sais. Okay. Donc il faut que tu passes dans l'alcôve d'à côté et voir un peu si c'est la même chose ou pas. Bah, je vais continuer à voir en fait. Je sais pas si j'en ai vu précédemment en fait dans d'autres alcôves peut-être. On est directement arrivé ici. Bah, vous êtes, en gros, il faut imaginer que vous êtes rentré par donc l'entrée principale et que vous avez un axe central qui est assez volumineux, donc assez large, où il y a tous les bancs et l'hôtel où est normalement la personne qui mène la messe, et donc qui est très coloré, très lumineux dans le fond. Et vous avez d'un coup sur les côtés, alors à une échelle qui est quand même assez importante, hein, on n'est pas dans une petite église, c'est quand même une basilique qui est assez imposante, mais vous avez en gros sur les côtés des alcôves qui sont placées de façon assez symétrique, au bout de chaque, enfin de chaque côté de vous en fait. Et en fait, là où vous êtes allé, vous avez au-dessus de celle-ci, de chacune de ces alcôves en fait le saint, la sainteté, enfin qui est comment dire ça, représenté dans pour chaque alcôve en fait. Donc vous saviez déjà où vous deviez aller. Donc vous êtes allé directement dans l'alcôve précise. Donc c'est Sainte Isidoro. Ah. Sainte Isidro, d'accord. Voilà. Mais bah, après, vous en avez dans les autres alcôves, justement, si c'est la même pierre qui est utilisée. Ah. Bien, tu rentres dans celle qui est juste à côté, et tu te rends compte que la pierre est, a priori, de ce que tu en vois, ça a l'air d'être un peu le même process que tu as. Une dalle un peu plus foncée au même endroit, parce que vous avez l'impression que t'as l'impression quand même que la dalle plus sombre est un peu au centre de cette alcôve. Par contre, le mortier, lui, est le même pour chaque autre dalle. Alors, tu vois que le mortier qui entoure cette dalle est mieux conservé que sur la dalle où vous étiez. Il n'est pas effrité, tout ça, d'accord. Non. Suspect ça. J'ai quand même. Écoutez, vous voulez l'avis d'un expert? On va demander au pire un des religieux qui est à l'intérieur et il nous dira en quoi est fait cette dalle. En quoi est fait ces dalles. Si c'est des morts, hein, t'es vraiment sûr de dalle. Je suis sûr à 100%. Oui, mais. Prendre des renseignements, de toute façon, c'est toujours une bonne idée. Mais pourquoi on voudrait avoir. Mais c'est une dalle en plus, on va juste la soulever, on n'aura pas besoin de savoir plus. Pourquoi on s'embête avec ces choses? Le poids est important. Non mais. On prend un truc et ça va la soulever la dalle. On va y arriver quand même. Elle fait quelle dimension cette dalle? Alors faut imaginer une dalle de. C'est 1 sur 1. D'accord, j'imaginais plus que ça en fait. Ouais, moi aussi. Non, c'est pas. Je 3 sur 1, tu vois. Genre un truc de 3 mètres par 1 mètre, tu vois. Vraiment une vraie. Non, c'est 1 sur 1. C'est. Voilà, c'est pas. Déjà, un mètre, une dalle d'un mètre, ça, oui, ça c'est fait beaucoup, quand même hein. Une belle dalle, hein. T'imagines. Et moi, plus, je vois dans l'église, il y a des dalles plus grosses, tu vois. Oui, mais bon, là, t'es dans une alcôve, t'es pas dans un endroit principal, tu vois, c'est sur un côté, donc c'est pas forcément. Oui, c'est 1 centimètre, c'est un carreau de. C'est Akinamna qui dit 1 centimètre. En fait, c'est pas des dalles, ce sont des carreaux de carrelage. C'est des mosaïques. C'est du carrelage, le truc. Non, mais... En fait, vous êtes dans la salle de bain de la basilique, vous ne le saviez pas. Je serais quand même d'avis qu'on pose des questions justement voilà. À un religieux, à du personnel. Ah, des questions sur la roche, on sait que c'est de la pierre ponce, on n'a pas besoin d'aller plus loin quand même. Wow. Bah, écoute, Emilio, je te laisse, si tu veux aller poser la question, tu peux tout à fait. Tu vois d'ailleurs qu'il y a des prêtres qui sont en train de se balader, enfin des hommes d'église qui sont en train de marcher. D'ailleurs, vous voyez des touristes avec leur... leur guide qui passe en montrant des trucs voilà. Enfin, voilà. Donc libre à toi d'aller te renseigner, tu peux tout à fait le faire. Je suis Emilio. Je m'approche d'un des pères un des prêtres qui serait là, je fais excusez-moi je suis un peu un passionné des églises et des monuments religieux. En Italie, on m'avait conseillé de venir ici, dans cette basilique, mais je trouve ça assez spécial. L'architecture est très belle et tout ça. Les pierres qui font la structure, qui de la façade, viennent de quelle carrière? Est-ce que vous le savez? Oh, mon petit, je ne sais pas, mais je sais. Tout de même que c'est une vieille pierre qui vient de notre Seigneur du ciel. Vous parlez de la pierre des tombes, des caveaux. Certaines pierres, certaines dalles que vous avez dans nos alcôves et sur certains endroits de la basilique viennent du ciel. Un don de notre Seigneur. Ah, d'accord. Oui, donc oui. Très bien, ok. Oui, parce que je me demandais, je ne comprenais pas d'où. Parce que je n'ai vu nulle part ailleurs ce genre de pierre. C'est pour ça que ça me semblait très bizarre. D'accord, oui, merci. Oui, je ne saurais pas vous dire de quelle composition elle est, mais c'est un don divin, un don de notre Seigneur venant du ciel. Voilà. D'accord. Bon, après, si vous voulez vraiment des explications, allez demander au frère Tonio qui est un peu plus loin là-bas. Il est passionné par la géologie, il saura peut-être vous répondre, mais bon, hélas, je n'ai point cette compétence. D'accord, merci beaucoup. Et je lui pose quand même quelques autres questions pour pas paraître trop bizarre. Donc, qui a peint la mosaïque sur la chapelle, ce genre de choses. Je continue et après j'irai voir le frère Tonio. D'accord, très bien. C'est Federico Pazzini pour les peintures, un grand artiste de l'époque. Sinon, bon, voilà, enfin... C'est une belle... Enfin, la basilique est un des bâtiments les plus réputés du monde, hein, vous savez. Pour les fidèles, nous sommes peut-être le deuxième bâtiment de Dieu visité en Italie. Oui. Après le Vatican, bien évidemment. D'accord. Voilà, monsieur. Mais merci beaucoup. De rien, mon fils. Bon. Et je demande doucement à Emilio. Tu crois pas qu'on pourrait lui demander son avis sur justement sur le mortier, lui montrer comme quoi ça semble assez bizarre quand même que ce mortier soit friable et comparé au reste. Alors quand il me dit ça, tu vois, je regarde si le père a compris ce qu'il a dit, ou pas du tout. Non, il est en train de discuter. En fait, vous n'êtes pas les seuls, mais il est en train de discuter avec d'autres personnes. Je rigole un peu de ce qu'il dit, tu vois. Enfin, comme si c'était pas du tout... Enfin, c'était pas oui, du tout oui, ce qu'il en gros, c'est une blague qu'il lui a raconté, lui, il a pas rien compris, quoi. Il a rien pigé. je fais le comédien. Voilà. Pour mieux pas, tu sais, si jamais on alarme là-dessus, ils vont vite faire refixer un nouveau mortier dessus. Vaut mieux qu'il soit friable et qu'on puisse directement. Ouais. Tu as raison. Du coup, allons voir donc le père Tonio. Et du coup, on va voir le monsieur Papa Tonio, quoi. Et, du coup, tu le vois, il est en train de replacer des bougies dans certains bougeoirs là, de la basilique. Il n'y a personne à côté de lui, il est tranquille, tout calme, comme un frère ou un père le serait, dans un tel endroit. Excusez-moi, père Tonio. Oui. Excusez-moi, je suis un peu un aficionado des églises et des monuments religieux de notre belle Italie. Oui. Et je viens de région du Sud. Et pour une fois, je me suis dit, tiens, j'ai quand même essayé de visiter ici, enfin, la basilique, car c'est un peu un des monuments les plus incontournables de notre belle, de notre belle Italie. Oui. Mais j'ai trouvé quelque chose d'assez bizarre. Ah bon ? Oui. J'ai posé la question d'un de vos pères, et à hier. Oh, c'est... Oui, bien sûr. Au sujet des dalles. Les dalles. Les les dalles qui viendraient de là-haut, comme a dit votre... Ah oui. Les dalles frère. Oui. Bien sûr, oui. Qui viendraient d'une pierre qui ne viendrait pas d'une carrière d'Italie. Et bien sûr. Pas d'Europe non plus. Ah, vous parlez des dalles, des alcôves. Exactement, oui. Eh bien, que ça... voulez-vous savoir sur ces dalles? Bien, j'aurais bien voulu savoir comment elles ont été... Enfin, de qui a eu l'idée, par exemple, de les utiliser ou ce genre de choses, parce que c'est ça... C'est incroyable d'avoir... De s'être dit, tiens, des dalles... une pierre, enfin, une météorite est tombée et nous allons l'utiliser pour faire des dalles... Oh, ben, elles ont été... ça a été prévu par... par l'architecte de cette basilique nos dirigeants du moment, enfin au moment de sa construction, bien évidemment, ils voulaient quelque chose de divin, et quoi de mieux que des pierres venues du ciel, d'où leur nom. Mais après, pour des gens qui sont on va dire efficient dans la géologie, un sujet qui me passionne grandement, eh bien, nous savons que ce sont ce sont des dons du Seigneur, bien évidemment, hein, mais que ce sont des blocs de fer météoritiques. Des pierres qui sont plutôt denses et plutôt pesantes, si vous voyez ce que je veux dire. Des pierres lourdes. Voilà, c'est ça. Oui, la densité d'un bloc de fer météoritique est assez importante par rapport à d'autres pierres. Oui, comme la pierre ponce, par exemple. Comme une pierre ponce, exactement. j'allais utiliser voilà. Nous sommes dans les contrastements opposés. Tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Bien, merci. Non, ce sont des blocs de fer météoritique. Plutôt rare. Hein. Plutôt rare. Ouais, ben je veux bien le croire. Hein. Et cela donne un aspect très particulier à la basilique qui est presque enivrant. Bien, merci beaucoup, Père Tonio. Eh bien, bonne journée à vous. Merci. Et puisse la paix être sur vous. Merci. Puisse le Seigneur vous garder dans... En son... Voilà. Je sais pas quoi dire. Oui, non, vous n'êtes pas bon. Le Père veille sur moi et sur cette basilique, bien évidemment. Au revoir, mon fils. Merci. Et là, je me retourne vers Albert. Je fais... J'avais raison. Ah! Donc, qu'en est-il? Eh bien, c'est une pierre météoritique, une pierre, enfin, presque du métal, quoi, hein, qui serait très dense, assez, enfin, lourde. Bref, c'est pas la pierre ponce. N'est pas léger, entre guillemets, comme la pierre. Déranger tout le monde pour avoir raison. Mais écoute, pour savoir si on a besoin d'un cric ou juste d'un levier, c'est intéressant. Surtout qu'il faut qu'on s'organise, on peut pas visiter la chapelle de nuit en totale improvisation. Il est vrai. J'aurais pensé qu'on aurait pu se cacher et la nuit prendre ne serait-ce qu'un des bougeoirs en métal qu'il y a partout pour s'en servir comme levier. J'y ai réfléchi. Je sais pas si ça fera pas l'affaire. C'est possible. Très sincèrement, non. Je pense pas. Il vaut mieux avoir un cric. Un cric, on pourra l'utiliser rapidement dans un silence assez... De cathédrale. Ouais, dans un silence peut-être pas parfait, mais un silence qui plus important que celui d'utiliser un bouchoir. Emilio, c'est la première fois que vous venez ici, à Venise. Venise, je suis venu succinctement, de façon professionnel. Ah, quelquefois, oui, oui. Oui, bah, professionnel, c'est ce qu'il faut. Du coup, vu vos contacts professionnels, vous saurez sûrement nous procurer un cric. Mais un cric, chez le garagiste, et on en a un. C'est qui? Oui, tout le contact, hein, de garagiste. Mais oui, non, le fameux contact de garagiste, tout à fait. Soit, hein. Bah, dans ce cas-là, la question est répondue et nous avons le cas. Mais après, il faut trouver comment se cacher dans cette basilique. Comment on se cache? Comment on ressort de là si on est surpris? Bon, après, vous savez que une fois à l'intérieur, une fois que la basilique sera vide, il n'y aura plus personne à l'intérieur jusqu'au matin. Donc, vous décidez de vous cacher et de faire vos recherches et de rester jusqu'à l'ouverture et de partir de la même manière que vous êtes rentré. Mais vous savez que vous allez vous les cailler parce qu'il va faire très froid à l'intérieur. Puis on aura une jambe à se trimballer, ça va pas être difficile. Enfin, ça va être difficile de dissimuler ça quand même. Ah, oui, bah ça, après, on prend une malle comme d'habitude. Bien. Ouais, vous amenez votre malle dans la basilique, ça se verra pas. On est obligé d'amener la malle parce que il faut pas les toucher, les artefacts. En effet. Après, vous pouvez les envelopper dans des couvertures, par exemple. Oui, on peut les envelopper, mais... Le Saint-Suaire. C'est-à-dire que la discrétion entre tenir un morceau de corps dans un drap et dans une malle est à peu près la même. Donc, autant choisir la malle où c'est sécurisé directement et où on peut se faire passer pour de simples personnes une fois à l'extérieur. Après, vous avez toujours l'option de rentrer, enfin de vous cacher à l'intérieur, de faire ce que vous avez à faire et de partir en forçant la porte. Hein. Et auquel cas, bon, vous partez avant la fin de, enfin avant le lever du jour et rentrer de nuit. De toute façon, après, je suis pas d'accord avec la voix qui nous parle dans la tête pour une raison. C'est le Seigneur, mon enfant. C'est un peu intrépide comme solution. On aurait pu partir en catimini aussi, ça aurait été plus. Ouais, ça me dérange pas, moi, à la limite, on brise le verrou, on se casse, c'est pas un problème. Là où il y a un problème, c'est que. Prenons la théorie que nous avons eue d'Albert au tout début, qui était que peut-être cette dalle a déjà été soulevée. Si c'est le cas, peut-être que le morceau de jambe, si je me trompe pas, dans le morceau qui est censé y avoir, c'est n'est plus là. Gauche, oui. Donc, oui. Si on sort. En défonçant tout, alors dans l'idée, si on repart en prenant le premier Orient Express, ça va. Mais si du coup il n'est pas là, les gens vont savoir qu'il y a eu un braquage, etc. Enfin, une infraction, etc. du coup, on sera bloqué, on va mettre une ambiance un peu paranoïaque de voilà, on a essayé de forcer la basilique, etc. Alors que s'il n'y est plus, c'est-à-dire qu'il va falloir rester en ville pour chercher. Donc, du coup, je pense qu'il faut garder quand même la théorie d'Albert en tête et agir en pouvant rester à Venise au besoin. Alors, voilà, de la prudence. Donc, du coup, de ce que je retiens du plan, en gros, c'est de vous cacher dans la basilique. Pour l'instant, ouais. Avec un cric. Avec de quoi soulever la dalle. Ouais. Et votre malle qui est assez grosse quand non, même. Non, la malle, on peut. Non. Je pensais prendre un petit truc, un petit bagage pour le porter. Pas notre malle à nous. Notre malle à nous, c'est quand okay, on a fini la mission. Un bagage assez grand pour mettre une jambe gauche entière dedans. Bah, en vrai, les sacs de voyage, tu vois, genre. Bon, ça va être un peu anachronique, mais les sacs de voyage Adidas, tu vois. Il n'y a pas de sac Adidas en 1923. Oui, mais il doit y avoir un équivalent. Alors, le nomade existait à l'époque. Je peux vous proposer quelque chose. Un linge. Un étui à fusil. Bon, Emilio, avec tes contacts de garagiste, on prend un étui à contrebasse et puis voilà. Ouais, dans la basilique, un étui à contrebasse. Non mais un étui à fusil, c'est pas super discret. Non, mais... On va de suite non, mais avoir l'air louche. Quand il est, quand il, ouais, c'est vrai. Mais après, non, quand mais... il est vide, tu peux le plier. Déjà. Ouais, la voix dans la tête, elle nous dit des choses horribles. Hein. Elle nous dit de défoncer la basilique, d'arriver avec un étui à fusil. Je pense que. Non. Je crois que dans ce cas-là, une simple couverture qu'on portera ça sur l'épaule. Je pense à ça grâce à une voix ailleurs que dans ma tête que je peux lire. Un étui à saxophone. En vrai, on le met dans un coin sombre, on peut le cacher, l'étui. Hein. Je connais pas comment il y a la basique, mais est-ce qu'il y a des petits coins comme ça où ça choquerait pas? Bon, on va dire que un étui à saxophone, tu mets une demi-jambe dedans. Parce qu'il y a une jambe entière, ah, merde, c'est quand même... mais un vrai, un gros quoi, linge, on prend... Non. Ouais, on prend un gros linge, tant pis. Ouais, une grosse couverture fera l'affaire. On prend un sac à patates énorme, là, tu sais, les trucs en jeu. Mais oui, voilà, un bon gros poil de jute, ouais. En jute, là, c'est bon. Totalement. Ouais. Et on fait ça. Du coup, il y a qu'un truc qu'on doit décider, c'est comment on ressort, par contre, sans tout défoncer. La discrétion. Oui, mais c'est bien beau d'être discret, mais si on ne sait pas par où ressortir. Est-ce qu'on peut juste visiter, du coup, les lieux de sortie possibles pour l'église? Tout à fait. Je vais vous demander à tous un jet de toc, s'il vous plaît. Oui, c'est là où on est. Ouais. Bon, arrêtez les jets. Arrêtez les jets. J'ai fait un. Attendez, je vous montre avec ma caméra très stable. Moi, je me prends un poteau, moi. Oh là là. Bravo. Voilà. Ok. On arrête les jets. ok. Catherine n'est pas forte, peut-être en pierre. Mon issue de secours. Alors, elle est très forte. Oh non, Emilio. 98 et 99, Emilio. Mais attention, parce que le problème est que. De lancer les jets, je l'ai lancé quand même, fallait. Alors, le problème est que. Je dois quand même prendre en compte ces jets de 98 et 99. Quand même, hein, en fait, c'est pas juste un échec simple, hein. C'est quand même un échec ultra critique. On va fouiller dans des endroits où c'est interdit. Ouais, voilà, totalement. C'est tu peux interpréter ça par rapport au temps, je sais pas. J'ai fait une petite réussite de mon côté, si ça vous intéresse. Alors vas-y, c'est quoi? Une réussite normale, 65. Ok, d'accord. Alors, pendant que Albert et Catherine travaillent de concert pour trouver des issues, enfin dans cette basilique, eh bien, Emilio et Peter ont décidé de travailler en binôme. Et en fait, Emilio, comme tu es allé tout à l'heure discuter avec le frère Ponyo, eh bien, vous êtes naturellement aller au même endroit à peu près où là où il se situait, puisque tu as vu une porte pas trop loin. Ce qui fait que vous êtes rentré par cette porte. Vous êtes rentré par cette porte et vous vous êtes retrouvé en gros dans les quartiers des frères de la basilique. Et en gros, vous avancez. Vous êtes un petit peu perdu parce qu'il y a plein de portes. Enfin, c'est un petit peu un vrai dédale, hein, et pas des dalles. t'as vu ça, hein, j'arrive à placer des trucs. Et vous finissez à un moment par rentrer dans une porte au pif comme ça, et vous vous retrouvez nez à nez avec des frères attablés qui vous tournent le dos, et en vous approchant un petit peu, vous apercevez que ces frères jouent à des jeux d'argent. Chose qui est formellement un péché pour ces personnes-là. Et ce qui se passe, c'est que bah, les frères vous voient, en fait, en gros, et sont ultra, alors à la fois gênés et énervés, parce que vous avez rien à faire ici, et vous les avez surpris. Que faites-vous ? Alors, j'aurais fait une petite partie. Fais-moi un jet de persuasion. D'accord. Enfin, ou un truc qui ressemble, je sais plus exactement. Quoi, J'ai du baratin, s'il faut. Attends, vas-y, je vais te dire exactement de... Papa... Ouais, fais-moi un jet de baratin. Ouais. Fais-moi un jet de baratin, vas-y. Fais-moi un jet de baratin, t'es dans ton domaine quand même, on va pas... Voilà, quoi. Ok. Allez. J'ai lancé, mais ça ne se lance pas. En 29. Ma foi, tu te débrouilles bien. Tu vois les frères qui d'abord ont un visage assez fermé et puis d'un coup t'en as un qui se met à sourire et fait bah allez venez et puis et vous font voilà. Deux places ils vous mettent deux places sur le aux chaises et fait par contre on se tait. Qu'est-ce qu'il bien dit évidemment. Assieds-toi, viens t'asseoir, on va faire quelques parties. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je passe les jeux d'argent moi. Pendant que vos amis sont en train de jouer à ce qui s'apparenterait du poker, hein, a priori. Eh bien vous deux, Catherine et Albert, vous êtes en train d'un peu surveiller, zioter un petit peu les alentours. Et très vite, Catherine, tu remarques plusieurs portes a priori qui seraient des portes latérales hein, qui sortent, enfin qui donnent sur l'extérieur de la basilique. Toutes ces portes ont d'ailleurs estampillé d'une pancarte. A priori, Gassar, on t'a perdu dans la fonderie. Qui sont. Tu devines à peu près que ça veut dire ne pas entrer. Tu vois, ne pas. Ouais. Voilà. Il y en a une par contre qui est un petit symbole, genre, même si je pense qu'à cette époque, les issues de secours ne sont pas quelque chose d'obligatoire. Hein. Je pense qu'en 1923, on n'a pas encore cette notion de porte de secours. Mais voilà, tu remarques très vite qu'il y a deux, trois portes comme ça dans certains coins qui, selon toi, sont des portes qui donnent vers l'extérieur. Je regarde si je viens de voir l'illustration de Xel. C'est magnifique. je regarde si elles ont c'est des genres de portes avec des verrous ou si c'est genre je sais que je vais pouvoir passer ce soir tranquillement. Alors tu vois que deux d'entre elles, parce que tu as fait un, voilà, deux d'entre elles sont fermés avec un gros cadenas et tu vois que en plus de ça il y a une serrure, donc tu imagines que c'est, tu sais, les grosses clés en fonte là, énormes là, de ouais. Voilà, et il y en a une troisième qui est un peu plus vers le fond qui elle en gros ce sont des loquets, tu sais, qui en fait elle est fermée de l'intérieur, donc si tu sais que si tu venais à ouvrir de l'intérieur tu pourrais sortir en fait. C'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur, mais on peut ouvrir que de l'intérieur. Il n'y a que Albert et moi, là ? Oui, tu es seul avec Albert. Ok, je tente viteuf d'ouvrir celle-là, là, la dernière. Genre juste pour voir déjà si elle est ouverte ou si elle est déjà verrouillée. Ouais, bah tu tentes, effectivement. Tu vois que tu fais coulisser la barre et elle s'ouvre. Enfin, tu sais, je fais le guet. Enfin, il y a 2-3 barres à ouvrir et poum, une fois que tu les as ouvertes, la porte s'ouvre en fait. Ok. Ah oui, et du coup on est du bon côté, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, ça veut dire que. Je regarde de l'autre côté, est-ce que. Juste par. Pour être sûr, genre sans trop sortir non plus pour commencer à être vu par des gens. On sait jamais, je sais pas. Déjà, où est-ce que ça mène? Et ensuite, je regarde juste, est-ce qu'il y a genre un emplacement prévu, genre pour mettre un cadenas, peut-être le soir, un truc comme ça? Ou est-ce que c'est bon, ils ont pas l'air Tu jouer, vois rien de spécifique sur la porte, rien qui pourrait laisser penser qu'il y a un cadenas. Et quand tu entr'ouvres la porte très discrètement, tu vois que ça donne sur une rue transversale, une petite ruelle où il n'y a pas de. Enfin, c'est pas une ruelle touristique, quoi. C'est une petite ruelle un peu. Vite fait. Je referme, je remets tous les barreaux et je dis à Albert qu'on a notre ticket de sortie pour ce soir. C'est parfait, bien joué. Voilà. Donc, du coup, vous revenez un petit peu, enfin, au niveau de l'alcôve où il y a cette fameuse dalle. Hein. Pendant ce temps-là, Peter et Emilio, vous êtes attablés et vous allez me faire un jet de chance, s'il vous plaît. Un jet de chance, ok. Ouais. Allez. Oh, wesh. C'est bon pour moi. Alors, Peter, au moment où le frère te donne tes cartes, clairement ton jeu est dégueulasse. Tu vois que t'as pas grand chose, t'as, t'as un 3. Je suis hésitant et je montre mon jeu à Epico. Alors, moi, quand je vois ça, je fais. Toi, Emilio, par contre, ta main est pas dégueu. Tu vois que t'as une tête, t'as une reine. Et tu as un 10. A priori, pour la suite, ça peut être sympa. Quand le prêtre, en fait, enfin, le père met la première carte sur la table, tu as une paire de reines. Faites-moi un jet de chance, s'il vous plaît. Toi, de ton côté, Peter, tu as un 3 et un 5. Oh. Il n'y a pas un truc genre... Non, je ne peux pas genre échanger des cartes et tout. Non, c'est pas tu peux... En gros, avec ton jeu, tu dis est-ce que tu suis ou pas. A priori, tu peux suivre parce que... la carte que tu viens de tirer est un 10. Bah, je suis. De toute façon, moi je suis là. Je pense que je vais perdre de toute façon mon argent. Donc, Et toi, pour Emilio, par contre, tu as tiré un 3. Donc c'est pas ouf. Mais bon, après, si tu veux continuer, tu peux. On joue le poker à 5 cartes ou on joue le poker qui est sur table en fait. On joue. Là, tu joues en gros. À 5 cartes. D'accord, ok. J'ai une paire, allez, j'y vais. Quand même. Faut déconner. Ok, bah, tirez-moi un jet de chance, s'il vous plaît. Ils ont des règles bizarres en Angleterre. T'es en Italie, là. En Peter. On est plutôt sympa avec toi puisque tu prends en gros une reine. Donc là pour l'instant tu as un brelan, si je ne m'abuse. 3 non, c'est ça. Non, c'est moi qui ai les reines. Non, mais toi t'as quoi, t'as... Ah non, moi, alors attends, j'avais dit quoi, j'avais dit un 10, donc tu as un deuxième 10. Je t'avais dit 10, donc t'as un deuxième 10, donc ça te fait un brelan de 10. Et de ton côté... J'ai l'impression de jouer une partie de cartes contre le type dans Jojo, là. Vraiment, genre, en transition. Genre, tu vois, il y a tout le monde qui se regarde les cartes avec des coups d'œil sur les côtés, là, ou... et toi, de ton côté, Emilio, tu viens de tirer... Donc, toi, t'avais la reine et lui, il a 3. J'ai donc, une paire de reines, un 10 et un 3. Voilà. Donc, en gros... Tu viens de tirer un 3. Donc ça te fait 2 paires. Ok. Wow. Pas mal. 2 paires. Vous allez donc tirer le dernier lancer de chance. Ok. Et la partie s'est terminée. Oh. Voilà. Emilio et Peter. Ok. C'est le moment où vous allez abattre vos cartes sur la table. vous voyez les frères qui sont en train de tous se regarder et qui vous regardent avec des airs de, tu sais, de poker face, hein, vraiment, genre comme ça, tu sais, genre. Comme un mais chanteur français connu. Mais tu vois que un des frères a un petit rictus, genre comme s'il se savait gagnant, tu vois, et affiche un sourire. Voilà. Tandis que d'autres posent des cartes, ils se coupent parce qu'ils pensent que c'est pas faisable, ils lâchent l'affaire. Bref, il ne reste que vous trois, Emilio, Peter, et vous reconnaissez le frère Tonio. Enfin, tu reconnais Emilio le frère Tonio puisque ouais. Peter n'était pas rendu avec vous. Et c'est le moment où vous allez donc abattre vos cartes. Moi, je lui dis quand même, Tonio, vaut mieux que tu te couches, tu sais. Là. Vu, tu m'as aidé tout à l'heure, tu m'as appris des choses et tout ça. Vaut mieux pour toi que tu te couches maintenant. Je dis ça. Alors, le frère Tonio te regarde un sourire et dit écoute, tout en abattant ses cartes, si tu arrives à battre ça, alors j'avouerai. Enfin, j'avouerai ma défaite, quoi. Et donc il abat et relance 5. Ah, c'est beaucoup. C'est un brelant, c'est 3 cartes, quoi. Bah, j'aime les miennes. Hein. Voilà, malheureusement, deux paires qui ne battront pas un brelant. Puisque le brelant est plus fort que la paire, malgré tout. Et finissons par Peter. Peter qui a l'air un peu perdu malgré tout. Il n'a pas trop l'habitude de jouer comme ça. Lui, c'est plus du hold'em, tu vois. C'était sur la table dans les casinos. Ouais, il n'a pas trop l'habitude de jouer dans des églises, dans des basiliques avec des pères, des frères. Et il abat timidement ses cartes pour dévoiler un brelan de 10. Et le visage de frère Tonios s'assombrit. J'avais Peter dit que t'avais pas de chance. Peter gagne donc cette partie. Ah, et tu empoches une petite somme. C'est pas foufou, mais tu pars quand même avec une petite somme de lire italienne. Bah, tu vas voir, je vais mettre dans le truc de l'église cette somme que j'ai gagnée. Oh, bien, écoute, super, sur ils ce, la remiser. Bah ouais, les frères vous disent qu'ils doivent. Et je mets les lunettes. Ils vous disent qu'ils doivent s'absenter, enfin, de partir et que vous devez en faire de même. Et vous sortez donc de la pièce. Et vous voyez Catherine et Albert qui attendent avec un peu d'inquiétude. Puisque ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes qui vous attendent dans l'alcôve et qui vous voient sortir de cette pièce en compagnie de frères. Et vous voyez Peter avec une somme d'argent dans la main. A priori, vous ne comprenez pas trop. Est-ce qu'ils ont fait de l'extorsion en prenant l'argent de la basilique? Je ne sais pas. Que faisiez-vous donc? Non, rien, enfin, pas grand-chose. Enfin, si, on cherchait, oui. On cherchait des issues, ouais. On a demandé au prêtre et voilà. Te dit-il avec une poignée d'argent dans la main. Je reste dubitatif. nous nous sommes fait de bons amis. Je sais pas, j'ai pas très bien compris, mais oui. Bah, je vais mettre cet argent pour l'église, écoutez... Et vous avez trouvé une sortie? Ah non, j'ai trouvé que de l'argent. Sortie? Non, on n'a pas trouvé de... Non, désolé. On n'a pas cherché ça. Oh, si, on a cherché. Je me donne un coup de coude. On a cherché. Ouais, faut dire la vérité, Peter. Désolé. Non, on n'a pas trouvé. On a cherché, mais on n'a pas trouvé. Dire ce qui est. Vous êtes les pires. Comment ça, on est les pires? Écoute, excusez-moi. On a genre un temps super. Bon, enfin, c'est pas grave parce que nous, on l'a trouvé la sortie, forcément. Quand on cherche, on trouve. Mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que... On est tombé sur eux. on ne pouvait pas faire... Ah, excusez-nous, on cherchait une sortie secrète pour pouvoir sortir en douce après avoir pillé une tombe. On ne pouvait pas dire ça. Du coup, je préfère leur dire, bon, on est là pour la partie. Oui, bah, c'était pas mon idée, hein, et... Ah oui, bah, tu voulais faire quoi? Où sont les toilettes? Je sais pas parler italien. Bon, écoutez, écoutez, nous, on a les sorties. On a la sortie. C'est une porte qui se ferme que de l'intérieur avec trois barreaux. Nous sommes à l'intérieur, donc on pourra l'ouvrir et sortir dans une petite rue isolée. D'accord. Maintenant, il faut savoir comment se faire enfermer à l'intérieur. Bien vu. Il faut trouver un endroit où on peut rester caché. Il est quelle heure, là, dans la journée, chère voix dans notre tête? Là, vous savez que il doit être sur les coups de 15-16 heures, à peu près. Entre 15-16 heures. L'endroit où on était, nous, c'était un endroit un peu caché, en fait, où même les prêtres ne vont pas forcément s'ils faisaient des jeux d'argent. C'est en gros là où vous vous trouvez, c'est vraiment les quartiers des enfin en journée, parce que après eux ils retournent dans leur quartier, ils restent pas dans la basilique la nuit, mais c'est leur quartier, genre quand ils ont des trucs à faire derrière, ils y vont, tu vois, donc d'accord. Mais oui, a priori tu pourrais aller là-bas et vous cachez dans une pièce où vous avez vu quand même que dans certaines alcôves il y a des endroits où en gros tu as des espèces de tombeaux où vous pourriez largement vous cacher derrière. On peut se mettre derrière, on s'assoit derrière, voilà, ok. Voilà. Et c'est assez sombre, donc même quelqu'un qui viendrait à passer dans l'alcôve, si il vient pas, surtout plus le soir, enfin plus la journée avance, plus la basilique s'assombrit, il n'y a pas de lumière à l'intérieur à part celle de du jour, quoi. Donc plus ça devient très sombre, mais là il faudrait limite une torche ou quelque chose pour d'accord. Qu'on puisse voir. Moi ce que je vous propose, c'est que j'aille essayer de chercher un cric. J'essaierai de le cacher dans... Je vais t'accompagner aussi au cas si on trouverait encore de l'argent ou... Moi, pendant un instant, j'aimerais bien retourner voir Foscari, puisque si tu te rappelles, je crois qu'il avait autre chose à peut-être nous faire lire, qui peut-être aurait été intéressant, ce serait bien d'en profiter. Tout à fait, c'est vrai. Il faut qu'il en retrouve son information. Il faut qu'il rentre son information, mais c'est vrai, il est vrai qu'il avait trouvé quelque chose qui aurait été intéressant, mais qu'il avait besoin un peu de temps pour creuser tout ça. Donc tu peux prendre le temps de voir s'il a avancé un peu plus là-dessus ou pas. Effectivement. Donc là, toi tu retournes voir Foscari, Emilio tu vas chercher un cric. Ah non, ok. Ok, donc Albert et Catherine, vous allez voir Foscari. Oui. Et Emilio et Peter, vous allez chercher du coup le cric. C'est ça. Oui. Ouais. Et sur le passage, je vais juste l'assommer encore avec Maria Stangliani, là. Avec ce fameux Giorgio. Tu vas le bassiner avec ta chère demoiselle dont tu es épris. Oui, bah, pas tellement. Oui, mais je veux dire, dans le sens où. Ah non, mais elle ne devrait pas être avec cet homme anarchiste. Qu'est-ce qu'elle lui trouve, blablabla. Ce communiste, oh là là. Ah non, mais moi, il est au-dessus du communiste. Hein. On se retrouve dans la basilique avant la fermeture. C'est ça. Bah, après, dites-vous qu'à partir de 18h30, il ferme. D'accord. Donc. Vous pouvez pas trop, il faudra pas trop perdre de temps non plus. On va pas traîner. J'imagine que si je vais chez un garagiste, je pourrais aussi acheter une lampe torche. Tu peux acheter, alors, c'est une lampe tempête ou. Normalement, ça existait déjà les vieilles lampes torches et tout ça. Les vieilles lampes torches, eh bien, écoute, ma foi, si tu le dis, je te fais confiance. La lampe torche. Voilà. Ça marche. Du coup, alors on va commencer par Albert et Catherine, qui du coup se redirigent du coup vers la bibliothèque pour essayer de voir si Foscari a mis un peu plus de, enfin, a un peu plus d'informations sur ce document qu'il a trouvé, a priori un document en latin. Alors, enfin, quand il vous retrouve, alors je sais pas qui c'est qui scratch avec son micro, il te dit, enfin, il vous dit quand vous le retrouvez, vous voyez qu'il est toujours attablé sur une des tables de la bibliothèque. Par chance, il a des notions d'anglais, donc il arrive un peu à discuter avec vous. Et il vous dit que, en creusant un petit peu, a priori, ce document, enfin, il y aura un document qui serait conservé par rapport à ça dans une église qui s'appelle l'église San Maria Celeste. Dans l'arrondissement du Castello. Et donc, en gros, si vous voulez mettre la main dessus, il faut aller le chercher là-bas. Alors, il ne sait pas exactement où il est conservé dans l'église, mais ce serait là-bas que vous pourriez trouver ce document. Parce que là, en fait, c'était... Ce qu'il a trouvé, c'était un document qui parle d'un livre, qui fait mention du diable. D'accord. Et que ça se trouverait du coup dans cette église de San Maria Celeste, dans l'arrondissement du Castello. Après, il sera pas vous en dire plus parce que la note est pas bien grande. Voilà. Ok. Je m'attendais à un meilleur enseignant. Mais... il est désolé. Il aurait aimé t'en dire plus, mais la note n'est pas très. Enfin, le reste, c'est pas très intéressant. En gros, ça parle juste qu'il y aurait un livre qui parle du diable et que et ce livre est un peu maudit, quoi, en gros, et mais que c'est pour ça qu'il a été envoyé, enfin qu'il a été mis dans cette église pour protéger les gens de sa malédiction, enfin de ce qui pourrait amener comme malédiction sur la population. Et voilà. Bon, ça reste curieux quand même. Merci beaucoup, Foscari. Ouais. Ben, de rien, et puis j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci. Ça Qu'en marche. Penses-tu, Catherine? On pourrait peut-être aller jeter un œil. Est-ce que ouais. C'est loin Est-ce que cette église se trouve à portée ici? Bah après, il faudrait que tu fasses des recherches ou que tu t'ailles demander à des hommes d'église. Parce que lui, il est incapable de... Il connaît pas cette église. Il sait pas où elle est. Il n'en a jamais entendu parler. Donc au pire, toi, tu pourriez peut-être demander au prêtre de la basilique Saint-Marc. Oui, puisqu'on en est là, au moins renseignons-nous là-dessus. On verra si ça vaut le coup de s'y rendre, si on a le temps de s'y rendre, en tout cas, surtout. Et ouais, puis on va aviser, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, tout en sachant que vous savez que la basilique Saint-Marc, c'est dans le quartier du Castello. C'est le même endroit. L'arrondissement du Castello, c'est là où il y a la basilique Saint-Marc. Ah d'accord. Ouais. Oui, donc a priori, on devrait avoir le temps au moins de faire ce petit détour alors. Okay. Très bien, mais renseignons-nous alors. Localisons cette église. Et ben, du coup, ben, vous, je suppose que vous retournez, enfin, parce que la bibliothèque est pas juste à côté, donc le temps d'y aller et de revenir, vous savez que ce sera à peu près le moment où vous allez vous retrouver tous ensemble. Ok. Donc, au moment où vous revenez, Peter et Emilio, du coup, à part si vous aviez quelque chose de précis à dire, je peux vous dire que vous êtes allé chercher quelque chose. Enfin, on peut passer le moment de je récupère un Non, cric et tout ça. je demande juste un cric assez puissant pour soulever un camion, tu vois, une camionnette. D'accord, bah du coup on te donne ça. Par contre, c'est assez volumineux, hein. Tu vois que C'est un cric volumineux. de camion, bah en 1923, t'avais pas forcément les petits crics dégueulasses, enfin, et en sachant que c'est un truc de camion, donc normalement un cric de camion, même aujourd'hui, c'est gros, hein. Enfin c'est gros. C'est pas énorme, D'accord, ok. hein, Bah non, mais mais c'est ça reste quand même volumineux. je demande un cric. Bah alors, au moins le plus puissant et le plus compact qu'il est, quoi. Alors, Ouais. D'accord, je bah pense écoute, il que te ça. donne ça et il te file un sac d'ailleurs avec, parce qu'il sait que tu pourras pas le. Et c'est un espèce de sac en toile de jute avec deux ornières sur pour pouvoir le mettre à l'épaule. Bizarrement, ça correspondrait presque à ce que vous cherchiez pour mettre une jambe. Et voilà. Et je suppose que tu prends aussi une lampe torche. Ouais, voilà, je prends aussi une lampe torche. Ok. Pendant ce temps-là, pendant que tu fais tout ça, tu vois que Peter, il est très insistant sur une certaine demoiselle. Je lui apprends des petites phrases, tu vois, genre oh là là, comme tes yeux sont beaux, et je lui dis oh là là, comme tes yeux sont globuleux, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Petit truc comme ça, je lui donne des conseils si tu veux lui apprendre à parler en italien un peu. Ah, l'enfoiré. Non, mais au bout d'un moment, on pique pas la copine de quelqu'un, quoi. Non, mais je suis d'accord. Ne me mets pas de son côté, toi. Je t'ai dit, non, je t'ai dit que je comprenais quand même qu'elle dut trouver un charme. Voilà, tu connais mon point de vue. Mais moi, je te soutiens. Malgré tout, je te soutiens. Tu sais que moi, j'ai envie de J'entends vivre Roméo et Catherine. Juliette. Qu'est-ce donc cette sorcellerie? C'est une bonne Je dis question. de quand même que c'est bien de s'inquiéter pour sa sécurité. Bon, allons retrouver les camarades. C'est moi ou on a. Gossed est très fixe ou on l'a perdu? Ah non, non, il était juste très fixe. J'ai Non, vraiment cru qu'on l'avait j'ai cette perdu. faculté de ne pas bouger, en fait. Je J'ai suis une cette statue, faculté. bah. Il y a des Voilà. gens, quand ils bougent pas, tu vois qu'ils bug pas à toi. Des fois, on se pose la question. Tu vois, là, je fais C'est semblant, là, tu tout. vois. Ouais. Donc, du coup, donc, vous retournez également tous les deux à la basilique. Et vous, quand vous arrivez sur les deux, vous voyez que Albert et Catherine vous attendent devant la basilique Saint-Marc et qu'ils se concertent tous les deux. Vous savez pas trop de quoi ils parlent, mais bon, quand vous arrivez. Vous leur faites face et je vous laisse la main. Oh, bon, on a tout trouvé. Ah, vous avez trouvé de l'argent aussi encore avec des prêtres qui jouent Non, pas cette fois-ci, malheureusement. Dans le garage, il y avait beaucoup moins de prêtres qui jouaient. ou... Je vois. Bon, Et Foscari pas de nous a chance. donné peut-être une piste sur un document, un livre qui parlerait du diable. Je sais pas si ce livre nous intéresse particulièrement, mais si on a le temps, ce serait peut-être pas mal d'y jeter un œil. Il faudrait se rendre à l'église. Quel est le nom de l'église déjà? C'est super Ah, important. c'était pas pour moi la question, c'était pas pour Sainte Catherine la Maria. question. Sainte Maria. C'est Sainte Maria. l'église de San Maria Céleste. Alors tu vois Emilio qui Sainte te Maria. répond, mais c'était l'église de San Maria Céleste. Et là tu dis, quoi? Mais comment tu sais? Parce qu'en fait, je suis vraiment un vrai professionnel de toutes les églises, donc ça, je le sais. Non, donc, c'est l'église où elle se trouve. L'église de Sainte Maria Céleste. Ok. Non, mais... Voilà, donc, l'église de Sainte Maria Céleste. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse. On pourrait peut-être se pencher là-dessus si on a encore un peu de temps. A priori, c'est dans le quartier, mais... faudrait se renseigner déjà, savoir où elle se trouve précisément. Autant essayer de le faire plus tard, le lendemain. Si tu penses qu'on n'a pas le temps de faire ça de suite, maintenant, je regarde le cadran au niveau de l'église. Je sais pas si on a il est au moment où tu regardes, il est 17h30 en gros. Vous savez que à partir de 18h, ils commencent un petit peu à faire en sorte que les gens. Voilà. En gros, ils acceptent plus personne à partir de 18h. Vous pouvez plus rentrer à l'intérieur. Et il est 17h30. Oui, on va pas prendre le risque. On va rentrer. On va essayer de se faufiler au fond de la basilique et se cacher tranquillement. Je suis d'accord. Donc vous rentrez à l'intérieur et vous voyez que il y a encore des touristes qui sont toujours en train de suivre, mais que les frères commencent un petit peu à se placer au niveau des sorties pour bientôt, vous pensez, commencer un peu à faire partir les gens. D'ailleurs, il y en a un qui se met devant la porte d'entrée vous pensez que très vite les gens vont plus pouvoir rentrer. Et c'est là, Catherine, que tu vois que un des frères en fait ouvre la fameuse porte que tu as déjà ouvert toi et invite du coup les gens qui voulaient sortir à sortir par cette porte. Voilà. C'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que ils font confiance, quoi. C'est-à-dire que pour lui, il va verrouiller cette porte et tout sera bon. Voilà, mais en gros, c'est un peu la sortie qu'il fait prendre en fin de journée pour éviter que, à partir du moment à 18h, ils vont arrêter, faire en sorte que les gens ne rentrent plus. La porte sera fermée, la porte principale sera fermée, et donc les gens sortiront par la porte d'arrière. Cette fameuse porte que tu as trouvée. Voilà. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse. Est-ce que vous en profitez peut-être pour poser la question aux frères sur l'église, la fameuse église, ou vous allez tout de suite vous planquer? Je préfère qu'on reste discret quand même, parce que si je vois qu'on leur parle. Je pense que, en vrai, moi, il faut impérativement que je me fasse discret, que je me planque direct. En fait, dès que je vois que c'est bon, je me planque direct, moi, parce que j'ai parlé avec un peu tout le monde dans l'église, un peu. J'ai pas envie qu'ils sachent que je suis encore là, quoi. Je suis du même avis, profil ça, en fait. Bas. Ouais. Je pense que c'est le mieux. Ok, alors... Emilio, tu vas me faire d'abord un jet de discrétion, parce que t'es le premier à m'avoir évoqué ça, pour essayer de voir si tu arrives un peu à te cacher au mieux. Allez. Premier. N'importe quoi. Ok, donc aucun problème pour toi. Tu te diriges dans une des alcôves assez rapidement, tu te caches derrière un des tombeaux, enfin en gros, qui est dans la largeur, si tu veux. Donc du coup, tu peux largement te cacher derrière. Et personne t'a vu rentrer dans l'alcôve. Donc pour toi, tu es parfaitement caché. Personne ne te retrouvera. Qui suit qui continue? Moi, je continue. Alors Catherine, vas-y, je te laisse faire un petit jet de discrétion. C'est bizarre, hein? 5. Eh bien, tu te mûches tel un fantôme. Un ninja n'aurait pas fait mieux. Et tu te places en gros dans l'alcôve à l'opposé à celle d'Emilio. Et de la même manière que lui, du coup, te cache derrière le tombeau. Alors, vous remarquez quand même tous les deux, maintenant que vous y êtes, que le marbre qui est dans vos alcôves est très froid. Ce qui fait que très vite, bien la nuit faisant, hein, le temps va, avec la nuit qui va tomber, vous savez que il va faire frais à l'intérieur. Du coup, qui continue dans la discrétion? Je fais le sac de juste en dessous de moi, comme ça j'ai moins froid. Non, t'en fais pas, Emilio, je vais venir te réchauffer. Alors, Peter, tu lances un jet de discrétion, ok. Discrétion. Allez, on prie les dieux du dé. Bon, je vais utiliser de la chance. Utiliser 3 points de chance pour pas rater. Ça marche. Oui. Eh bien, du coup, tes 3 points de chance sont utiles, puisque, effectivement, tu viens te réchauffer auprès d'Emilio. Tu prends la même alcôve que lui et te places à ses côtés. Aucun frère ni touriste n'a pu te voir. Bon, le tombeau est assez large, hein. C'est dans la largeur. Du coup, tu peux largement mettre 2 personnes derrière sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Donc tu viens te placer juste à côté de ton ami Emilio qui est ravi de te voir arriver. Et ensuite, évidemment, pour terminer, eh bien Albert, je te laisse donc faire ce jet de discrétion. Allez, allons-y. Oh, ben je fais 6. Eh ben décidément, vous êtes vraiment des ninjas. Et donc, et du coup, ce qui se passe, c'est que comme tu as vu Peter aller dans la même alcôve que Emilio, eh bien, tu te dis que tu ne vas pas laisser Catherine seule de son côté, et tu te diriges du coup à l'endroit où elle était, et de la même manière qu'elle, et avec la même furtivité que ce qu'elle a pu montrer tout à l'heure, eh bien, tu la rejoins discrètement, et vous pouvez attendre tranquillement que la basilique se vide. Et c'est ce qui se passe, puisque très vite, eh bien, vous entendez les gens sortir les uns après les autres. La grande porte de la basilique, vous entendez du coup la grande clé tourner et fermer définitivement la basilique aux touristes ainsi qu'aux frères, puisqu'ils viennent de partir. Il est 18h30. Vous êtes désormais seul dans la basilique. On attend encore un peu, non, pour être sûr. Totalement, on attend. Moi, j'ai pas froid, de toute façon. Donc... Personne n'est pressé. C'est vrai qu'il fait pas froid. On est bien, tous serrés l'un à l'autre. On attend que la nuit tombe. Non, mais ouais, on attend. On attend vraiment qu'il fasse nuit noire et de plus entendre aucun bruit du tout pour un bon moment. La musique a changé. Et quand il commence à faire nuit noire, je prends ma lampe torche quand même. Je prends ma lampe torche quand même. Je l'allume. Oh. J'ai allé chercher des bougies. Et bah, je prends mon briquet, je les allume. J'entends une à chacun d'entre nous. Je réteins ma lampe torche parce que j'ai pas envie de gaspiller les piles bêtement. Et surtout, j'imagine que ça fait une lumière moindre, les bougies, que la lampe torche, et c'est plus discret. Du coup, voilà. Du coup, vous décidez un petit peu de prendre. De vous mettre en marche, en gros. Vous laissez combien de temps? 2-3 heures? 2 heures? Ouais, une heure. Moi, je partirais sur du vers 22h, 23h, on commence à s'activer. Donc, vous allez rester de 18h30 à 22h sans commencer quoi que ce soit. Exact. Okay. Vous bougez dans le truc pour se réchauffer et tout ça. Mais... Oui, on reste pas fixe, quoi. Mais... Voilà. Enfin, vous sentez quand même que, malgré tout, que la température a quand même beaucoup perdu c'est pas mal descendu, même si c'est pas, vous n'êtes pas au pôle Nord évidemment, mais vous sentez que la fraîcheur d'une basilique, ces pierres épaisses en marbre et ces dalles immenses font que ce genre de bâtiments peuvent être très froids la nuit. Et vous voilà donc tous les quatre faisant face à cette dalle qui, avec les reflets des bougies que Emilio a apporté, brille quelque peu. C'est une pierre sombre, mais luisante, brillante. Et vous êtes face à cette dalle et les bougies, en fait, avec les flammes, vous voyez, qui bougent un petit peu malgré tout, rendent un peu flippante l'ambiance, parce que vous avez ces ombres de statues, de saints qui vous regardent avec des regards... comme s'il vous jugeait, comme si vous étiez en train de faire quelque chose de mal. Et cette ambiance d'ombre mouvante, comme ça, qui quelque part vous rappelle un peu, vous ramène un peu à ce que vous aviez lu dans ce fameux livre avec ces ombres tueuses. Dans ce train qui est l'Orient Express. Ils se sont tirés dessus mutuellement, je me souviens. Voilà. Pas mutuellement, il y avait qu'un seul gars qui avait tiré sur tout le monde. Oui, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Il n'en est rien. Ce ne sont pas des ombres tueuses, mais ça vous rappelle un petit peu ça. Vous vous sentez un peu mal à l'aise tout de même. Je vous laisse donc agir. On sort tel des ombres, des alcôves, et on vient répandre notre... on va aller faire le truc de la dalle. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que si jamais ces ombres sortent comme on l'a vu, n'hésitez pas à éteindre votre bougie directement. On avait cru comprendre que... On a lu dans un livre, en fait, qu'il y a eu des ombres qui ont attaqué un groupe similaire au nôtre. Et la nuit, en fait, elle se mouvait sur les parcelles de lumière qui restaient de par les ombres. Et du coup, on se dit que peut-être... S'il n'y a pas de lumière pour qu'une ombre se crée, ces ombres-là ne viendront pas. Sans lumière, pas de ténèbres. Vous auriez pas pu me dire ça avant, hein ? J'étais pas préparé, je crois. Ah, mais on a oublié, malheureusement. On les a jamais vus, on a vu que des écrits. Oui, c'est qu'une histoire... qui certes paraît assez réelle parce qu'elle a donné des noms qu'on connaissait nous-mêmes, mais on n'a pas de preuves tangibles que cet événement n'a pas été halluciné. Et d'ailleurs, quand vous êtes en train d'expliquer tout ça au même moment, mais ça depuis que vous êtes dans la pénombre, depuis que vous êtes seul dans cette grande bâtisse qui est la Basilique Saint-Marc, vous n'avez de cesse d'entendre des bruits de craquement de bois avec les bancs qui craquent naturellement. Hein, les différences de température font que Ça craque un peu de temps en temps. Voilà, c'est. Mais ça vient agrémenter un peu l'ambiance générale. Peut-être le vent qui passe dans la salle avec l'imposant hall, la grande pièce principale, ce qui donne un peu un effet de. Un peu plus de. Voilà, en gros, si tu veux. Ça donne un peu plus de force à un petit vent, tu vois, mais vu l'immensité de la pièce, ça fait puissant, quoi. Voilà. Ok. Bon, moi, j'ai pas envie de traîner dans cet endroit qui sent encore le moine peu vertueux. Allons-y. Du coup, qui va... C'est quand même bien étonnant. Comment faites-vous ? Et qui fait quoi ? On essaie déjà d'éroder le plâtre autour, avec nos couteaux ou je sais pas quoi, pour essayer d'ensuite de le lever avec le cric de Gassa. De toute façon, a priori, en grattant avec les doigts, ça s'est frité déjà pas mal. Oui, mais là, du coup, ça va plus profond, donc on peut prendre le couteau, peut-être. Ouais. Je vais tirer au pistolet sur la dalle. Et là, elle rebondit, tu la prends en pleine tête, tu es mort. Ah, c'était bien ce jeu. Mais en fait, je tire à la verticale, tu vois. C'est parce que si je tire. Du coup, vous commencez un peu à égrener le mortier. Vous voyez que très vite, le mortier s'en va. Ce qui fait que vous êtes sûr que ce mortier était un petit peu fatigué depuis le temps. Maintenant, vous avez la possibilité, une fois le mortier enlevé, eh bien de placer vos outils et d'essayer maintenant de soulever cette dalle qui s'en occupe. Alors moi, les hommes musclés du groupe. J'ai mettre le cric en fait en place, juste à côté de la dalle, au niveau de l'extérieur de l'alcôve qui donne sur la pièce principale, quoi. Enfin, sur la pièce principale, sur le. Je sais plus comment ça s'appelle, pardon, j'ai mangé le mot. Mais voilà, sur l'extérieur, je le mets au niveau du bas de la dalle, en fait, au niveau du caveau, tu vois, en hauteur du caveau. Je demande à quelqu'un de le tenir pendant que moi je vais me mettre contre le caveau et pousser avec mes pieds pour bouger la dalle en fait avec mes pieds sur le cric. Ok, bah je vais te demander du coup un jet de force pour bien mettre les choses comme il faut. Voilà. Alors ce sera pas un jet, genre tu échoueras pas, c'est juste le temps que ça va te prendre pour le faire. D'accord. À se lancer, je vais lancer un des 100 en mode vanilla s'il veut bien. Ça ne veut pas se lancer. Je vais refresh la page. Tu peux le faire. Je sais pas pourquoi Google Chrome ne veut pas. Ouais, des fois, puis c'est pour le suspense, tu vois, ce côté est-ce que ça va vraiment réussir? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la plus grosse erreur de votre vie. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Je pense que la personne qui a fait la plus grosse erreur, ça reste Maria Stangiliani. C'est bon, j'ai réussi. 52 sur 65. Eh bien, disons que tu fais ça assez rapidement. T'as l'impression quand même que la dalle est... certes peut-être lourde, mais que en gros elle n'est pas très épaisse. Du coup tu arrives assez rapidement à caler le cric en dessous et maintenant il va tout simplement vous rester qu'à soulever cette plaque grâce à ce cric. Us. Voilà, donc étant donné que tu t'es dégoté un cric plutôt de bonne qualité, il va vous falloir à peu près une dizaine de minutes peut-être pour la soulever de manière à ce que vous puissiez par la suite avec Albert, Peter et toi la décaler légèrement sur le côté afin de révéler ce qui se cache en dessous. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien, vous trouvez... Enfin, hop. Hop. Attends, hein. Vous trouvez une cavité. Et cette cavité est vide. Non. Vous comprenez quand même, tout de même, que ça n'a pas toujours été le cas. Puisque, en regardant d'un peu plus près, grâce peut-être cette fois-ci à ta lampe torche que tu allumes pour l'occasion, vous notez une épaisse couche de poussière qui recouvre le sol, dessinant l'empreinte d'une jambe. Elle y était, elle n'y est plus. Albert avait raison. Vous voyez que cette couche de poussière est moins épaisse à l'endroit où devait se trouver la jambe. Mais que vous... Après bien réfléchir, enfin, vous dites que c'est pas récent, malgré tout. Elle n'est pas là depuis un certain temps, des années, peut-être des décennies. Mais... En regardant bien, vous vous rendez compte que la cavité n'est pas si vide que ça, en fait. Puisque vous trouvez une enveloppe posée en plein milieu. Une enveloppe jaunie et fermée par un seau de cire. Ah bah dis donc. Je me saisis de la lettre... Ok. Est-ce que tu, tu ouvres la lettre, tu enlèves le seau de cire et tu... Je demande à Emilio de m'éclairer parce que bon, je vais pas voir grand chose, donc il m'éclaire pendant que j'ouvre la lettre. Ok. Effectivement, je me place curieux par-dessus son épaule. Tu ouvres la lettre et vous allez trouver. Un message en italien, et là je suis là. Oh. Attends, je ne la comprends pas. Un message en italien, hein, déjà. Non, un message en anglais. Il y a des choses qui mais sont non, bien faites dans la turc. Vie. Des choses importantes sont en anglais. Oh putain, turc. C'est du chinois pour moi, tout ça. Ok, super. Donc, j'étais censé vous montrer un truc, mais c'est pas grave, vous le verrez pas parce qu'il y a un bug, machin, là, c'est tant pis. Je vais vous la lire, de toute façon. Donc, vous trouvez donc une lettre à l'intérieur, une lettre qui n'est pas signée. Et t'as plus l'impression que c'est un peu une confession plutôt qu'une information. Tu vois bien que... La lettre est écrite avec une main assez tremblante parce que les lettres sont pas tout à fait bien écrites. Et que c'est une lettre en italien. Vas-y, Emilio, c'est pour toi. Ah, voilà. Enfin. Je tire la torche. Emilio, quand tu prends la lettre, tu vois que c'est un italien, mais ça a l'air... C'est plus un vieil italien. Enfin, tu comprends pas tous les mots, mais tu sauras la traduire, mais pas parfaitement. Ben, en gros, tu vas comprendre la signification générale, mais c'est vrai qu'il y a des mots, tu les as pas forcément Mais bon, en gros, ça ressemble à des mots que tu connais, mais bon, voilà. C'est comme si c'était du vieux français, quoi, tu vois. C'est un peu... Un peu voilà. Alors... Donc, est écrit dessus. Puisse Dieu me pardonner et venir à mon secours. J'en avais grand besoin. Alors, je l'ai pris en tremblant comme une feuille et conscient de mon sacrilège. Moi, un véritable Vénitien, je violais notre église la plus sacrée. Et pourtant, certaines nécessités dépassent toutes les autres. Il pleurait, appelant à l'aide. Sa statue était brisée, et je n'avais pas de quoi la réparer. Cette maudite guerre, nous privant de tout. Je me suis enfin souvenu de cette vieille histoire. Mais que pouvais-je faire d'autre? Son petit-fils est mort, à Montgrappa, aux côtés de mon cher Marco. Et ses personnages sont tout ce qui le réconforte. Dieu pardonnera. Il sait que je n'agis que pour le mieux. Vous allez me faire un test. D'histoire pour ceux qui en ont. Je suis même pas sûr d'en avoir. Je suis même pas sûr. J'ai 5% moi. Je sais pas. Oh, j'ai 5% aussi. Oh là là. Histoire. Ouais, 5%. Bon, ça tombe bien parce que j'ai fait 90 donc. Oh, et je fais 0,6 encore. Oh là là. Oh, mais tu peux 1%. Faire 1. Mais tu utilises un point de chance. Le point de chance. Ouais. Je vais l'utiliser, bien sûr. Tu peux nous faire réussir. Donc ouais, tu utilises un point de chance. 79 et 64 attends, pour nous. D'accord. Je vais enlever un. Hop. Donc ça fait 56 maintenant. Ouais. Voilà. Alors. Tac. Tu as, de par tes études de journalisme et les différents écrits que tu as pu lire sur la guerre, sur la Grande Guerre, tu te rappelles que Montgrappa était une bataille décisive où les Italiens ont arrêté les avancées allemandes et autrichiennes alors que les armées étaient en vue de Venise. Ces batailles ont eu lieu entre la fin 1917 et le début 1918. Donc tu te dis que eh bien cette personne fait mention d'une bataille de la Grande Guerre qui s'est passée très près d'ici. Voilà. Ok. Alors, vous voyez que en faisant un peu plus attention à l'enveloppe, pour ceux qui ont l'enveloppe dans les mains, que le sceau qui marquait le truc représente un chérubin ailé avec un bouclier en fond. Vous voyez que ce chérubin berce une poupée dans ses bras. Voili, voilà. Et ben, que faites-vous? On remet tout à sa place. Ouais, je pense qu'il faut déjà tout remettre comme c'était. Bien sûr, je manque pas de révéler l'information à mes compagnons. Voilà, cette lettre fait état apparemment d'une bataille de la Grande Guerre. La lettre, vous voulez la remettre à sa place? On va la garder. Oui, on garde la lettre. Je parle de la pierre. Ah oui, on remet la dalle. Oui, on essaie de faire en sorte que... Je remets calmement pendant qu'ils sont en train de lire... Enfin, donc ils sont en train de se questionner là-dessus. Ok, d'accord. J'aurais rien à vous dire là-dessus. Pas de souci. Donc effectivement, Albert vous dit qu'il fait mention de cette bataille de Monte Grappa où beaucoup de personnes sont mortes pour stopper les avancées allemandes et autrichiennes qui étaient sur le point de fondre sur la ville de Venise. Et tout cela pendant la Grande Guerre, quasiment vers la fin de la guerre, hein, puisque c'était fin 1917 et début des 18, donc a priori c'était une bataille très importante et qui a peut-être changé aussi l'issue de la guerre au niveau de l'Italie. Bon, je comprends pas bien pourquoi cet homme est venu prendre la jambe, il est venu ça. Voler la jambe. Est-ce que quelque chose vous a parlé là-dedans? Il ne voulait pas réparer une statue? Alors, ce que je vais faire, c'est... je vais faire un screen rapide, un capture de screen pour vous. Ah, je sais pas, elle a pas marché là. Lettre, voilà, je vais mettre ça là, comme ça vous pourrez la relire si besoin. Hop, voilà, vous l'avez. Donc je redis encore, hein. Puisse Dieu me pardonner et venir à mon secours, j'en avais grand besoin. Alors je l'ai pris en tremblant comme une feuille et conscient de mon sacrilège. Moi, un véritable Vénitien, oui. Je violais notre église la plus sacrée. Et pourtant, certaines nécessités dépassent toutes les autres. Il pleurait, appelant à l'aide. Sa statue était brisée et je n'avais pas de quoi la réparer. Cette maudite guerre nous privant de tout. Je me suis enfin souvenu de cette vieille histoire. Que pouvais-je faire d'autre? Son petit-fils est mort à Monte Grappa, aux côtés de mon cher Marco. Et ses personnages sont tout ce qui le réconforte. Dieu pardonnera. Il sait que je n'agis que pour le mieux. Alors, Marco. T'as vu quelque chose, Marco? Ça doit être un camarade de bataille, donc... Voilà. Donc là, au final, vous avez cette lettre et vous avez l'enveloppe. La Piazza San Marco. Bah, c'est Saint-Marc, enfin c'est Saint-Marc, mais Marco c'est un nom assez courant en Italie. C'est comme Tonio et tout compagnie, quoi. C'est a priori le nom d'une personne qui s'appelle Marco, mais qui. Voilà. Donc là, vous avez dans les mains une enveloppe avec un sceau et cette lettre. Je me demandais, ta petite amie Peter, son père ne travaillait pas sur les familles nobles? C'était pas un historien ou un truc du genre? Non, c'était un psychologue. Psychologue? Mais je pense qu'il doit savoir certaines choses dont ce symbole. Ça m'étonnerait pas que une dame comme elle puisse connaître ce genre de sceau. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller lui demander. Peut-être elle en sait aussi un peu plus sur Monte Grappa. Et sur une statue qui aurait été restaurée avec une pièce rapportée comme une jambe. Il y a déjà... savoir dater la bataille de Monte Grappa serait très importante. Moi, d'un point de vue historique, la bataille entre l'Italie et l'Autriche, est-ce que je pourrais la connaître? Enfin, si c'est un peu dans la temporalité, je ne sais pas, des guerres napoléoniennes On est en 1923. La guerre s'est finie en 18, donc oui. D'accord, ok. Tu la connais. C'était pas une guerre plus antérieure. Non, c'est assez récent, justement. Ah non, c'est 17... Là, en gros... D'accord, Albert connaît la date de cette fameuse bataille de Monte Grappa, puisqu'elle se situait entre fin 1917 et début 1918. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a des mots que j'arrive pas très bien à lire, vu que c'est du. Parce qu'elle est en vieux. C'est un patois, un vieux patois, mais vénitien. D'accord, ok. Ok. Mais... Ok, je croyais que c'était une guerre, en fait, limite moyenâgeuse. Non, mais tu sais que dans toutes les régions d'Italie, à cette époque-là, les gens ont leur patois un petit peu, tu sais, ils sont très régional. Voilà. Les régions sont très fortes encore. Hein. L'Italie n'est dans la temporalité, l'Italie n'existe que depuis pas si longtemps que ça, en fait. Puisque c'est sous la Révolution, enfin après la Révolution française et les conquêtes Napoléon, tout ça, que l'Italie est devenue l'Italie, parce qu'avant il y avait des villes plus que des grandes villes, des duchés, des machins, plus que des qu'un pays. Voilà. Donc les gens sont encore assez accrochés à leur culture. De ville, en fait. Grande ville, d'accord. Italienne. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, là, ben, vous avez vu qu'Emilio a remis la dalle. Hein. Je l'ai aidé. Puis, oui, toi, vous avez remis la dalle assez proprement. Bon, vous pourrez pas remettre de mortier puisque vous n'en avez pas remis, donc la dalle va rester un petit peu sans son mortier, à moins que vous essayiez de trouver un moyen de remettre ce que vous avez enlevé un peu à l'arrache. Non. Ouf, ouais, non. Par contre, moi, j'ai poussé un peu la poussière dedans, quoi, dans les orifices. Surtout, faire illusion. Quand on est arrivé, c'était déjà... Ouais, c'est ça, un peu de poussière, mais c'était déjà un peu abîmé quand on est arrivé, donc je pense qu'ils font pas gaffe. Donc, vous remettez grossièrement le mortier éclaté à l'intérieur, histoire de faire un semblant d'œuf. C'est plus pour, en fait, cacher qu'il y a du mortier par terre que remettre du mortier à l'intérieur. D'accord. Ouais. Et donc, bah, vous voilà, il est, on va dire qu'il est minuit, le temps que vous fassiez tout ça, que machin. Que faites-vous ? Je leur dis, je commence à avoir faim, et si on rentrait ? C'est pas faux, non, c'est vrai que de toute façon, à minuit, on va pas faire grand-chose, mais il va falloir qu'on commence à enquêter sur beaucoup de choses. Vu toutes les nouvelles informations, on va devoir encore passer du temps avec... notre ami à la bibliothèque. Allons nous reposer, allons manger déjà et on va discuter de tout ça. Ouais, faisons ça. Bien, vous suivez Catherine qui vous mène jusqu'à cette fameuse porte. Qu'elle ouvre de manière assez précautionneusement. Et vous finissez donc dans la rue. Vous regardez un peu à droite à gauche et a priori, la nuit est plutôt calme. C'est une bonne chose. Gentiment. Tranquillement, discrètement, vous rentrez à votre hôtel. Que faites-vous ? Est-ce que vous allez tout de suite vous coucher ou vous discutez encore un petit peu ou pas ? Bon, oui, on va se coucher. Je pense qu'on sait tous à peu près ce qu'il nous reste à faire. Enfin, tout ce qu'on va devoir faire. Demain matin, je pense qu'on peut aller se coucher. Demain matin, moi, je propose qu'on essaye de voir pour cette lettre. Et essayer de voir l'après-midi pour aller dans cette église en question. Là, quand vous avez dit déjà Santa Maria. Oui, Santa Maria. L'église Santa Maria. Ça. Oui. Le livre Santa du Maria diable. Céleste. Santa Maria Santa Céleste. Santa Maria Céleste. Du coup, vous voilà chacun dans vos lits. Vous vous endormez tranquillement. Peter, en rêvant de cette Maria qui ne mérite pas, enfin, qui ne devrait pas se retrouver avec ce Giorgio qui ne la mérite en rien. Catherine, qui, pour une raison qu'elle ignore, rêve de Pierre Ponce. Qui vole. Je sais que c'est Pierre Ponce. Les porcs sont en Pierre Ponce. Albert, lui, il dort plutôt bien, mais à la fois, ses rêves le troublent. Il rêve d'église, de lettres, de jambes. Je gamberge avec tout ça, moi. Voilà. Et toi, Emilio, tu dors. Oui, moi je dors bien. Hein. J'ai bien mangé quand je suis rentré. Vous dormez jusqu'à ce que, dans les environs de 4 heures du matin, vous êtes tous réveillés en sursaut par un cri de femme qui crie putain. Elle crie quoi, pardon? Morte, morte, morte. Répète. Voilà. Non, mais j'ai un petit bug. C'est la femme qui répète. Je me lève d'un coup. T'as pas entendu, bordel de merde? Morte, morte, morte. Je me lève d'un coup, j'attrape le revolver qui était sous mon coussin, sous mon oreiller, et je sors. Alors, vous notez que ça vient de l'extérieur de l'hôtel. Oui. Ça vient de dehors. Je regarde par la fenêtre. Alors, vous regardez tous par la fenêtre, je présume, peut-être par... ou alors certains ont trop peur qu'ils se cachent sous les draps. Pas. Non, je regarde aussi par la fenêtre. Et vous voyez une femme courir dans le brouillard. En hurlant. Du coup, c'est beau. Morte, morte, morte. Donc mort. Je sors la lampe et torche. Elle disparaît en hurlant dans. Elle disparaît dans le brouillard en courant. D'accord, je sors la lampe torche et quand même j'éclaire pour voir si on voit pas un peu mieux. Enfin. Alors le brouillard est épais. Plutôt épais, donc. Clairement, quand t'éclaires le brouillard, ça fait plus de brouillard. Bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Une véritable purée de pois. Je vais rejoindre Emilio. Je vais m'habiller, moi. Je vais rejoindre Emilio habillé. Eh bien, très vite, Emilio, tu entends que quelqu'un frappe à ta porte. Je finis de remettre ma cravate. Non, je mets même pas ma cravate. Hein. J'ouvrir. Oui, je l'ai entendu comme toi, j'imagine. Tu vas bien? Les autres vont bien? J'ouvre ma porte qui donne sur le couloir. J'imagine, je vois la scène, non? En ouvrant ta porte, tu vois effectivement Peter qui s'apprête à rentrer dans la chambre d'Emilio. Catherine, pour l'instant, je ne sais pas. Je porte au même moment. Et au même moment que tu fais ça, tu vois Catherine qui ouvre sa porte en face. C'est du timing, ça. Qu'est-ce qui se passe? Que fait-on? Il faut sortir. Enfin, moi je sors. Bah, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls hein, à vous être réveillés, puisque d'autres clients ouvrent également leurs portes. Vous voyez qu'il y a des employés qui sont dans les couloirs et tu devines rapidement qu'ils essayent de calmer les gens, que tout va bien, qu'ils peuvent rester dans leur, enfin vous pouvez rester là. La police a été mise au courant. Voilà quoi. Cette voix qu'on a entendue, est-ce qu'elle nous rappelle la voix de quelqu'un? Non, c'est une voix de femme, c'est tout. Moi, j'avais envie de te dire, oui, on aurait pu essayer de la suivre, voir dans quelle direction cela pourrait nous mener. Mais là, il se fait trop tard et je pense qu'on est bien trop fatigué. Surtout, le brouillard fait que vous l'avez vu disparaître dans le brouillard, mais que maintenant vous ne la voyez plus. Et le cri, en gros, de cette femme se dissipe au loin. Plus elle s'éloigne et moins vous l'entendez forcément. Jusqu'à maintenant, là, maintenant vous ne l'entendez plus. Hein. Il n'y a plus de cri de D'accord, femme. D'accord. Oui, bon, allons nous recoucher. On verra. Ça sera sûrement dans le journal de demain. Oui, sommeil, moi. Et voilà. Et vous voyez d'ailleurs Emilio qui baille. Il a pas l'air plus stressé que ça, malgré tout, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça arrive souvent que les gens se réveillent comme ça en hurlant des trucs. Ouais, ouais, voilà. C'est courant en Italie. Le flemme, visiblement, c'est dans leur culture. Hein. Ah là là. J'ai failli m'inquiéter. Bon. Bah, du coup, vous retournez chacun de votre côté finir votre nuit. En nuit, oui. Vous aurez un petit peu de mal à trouver le sommeil, puisque cette petite adrénaline vous a un petit peu perturbé. Et finalement, vous endormirez tranquillement. Le matin pointe le bout de son nez. Et vous vous retrouvez tous au petit déjeuner, tranquillement. Alors, est-ce que vous prenez le même petit déjeuner que la veille ? Oui. Ok. Saucisse à l'anglaise. Non, moi, je reprends un petit déj typique italien. Je... Alors, moi, non, je vais prendre un petit déj anglais. le courage, une fois, mais pas deux. Tu as essayé l'italien ? Attends, il est très bon. Oui, la dernière fois, moi j'étais en mode aventure italien et c'était intéressant. Et toi, Albert, la même ? Ou tu retournes sur des trucs un peu plus connus ? Ah. Comment ? Je vous ai perdu 2 minutes là. Vous êtes retrouvé maintenant, c'est le matin, et vous êtes retrouvé au petit déjeuner. Et du coup, je demandais ce que les gens prenaient pour le petit déj, s'ils prenaient la même chose que la veille ou pas. Oui, moi je reste touriste jusqu'au bout et je vais continuer à me faire plaisir avec des mets locaux. D'accord. Donc on vous apporte très rapidement tout cela. Et d'ailleurs, on vous propose, si vous voulez, le journal. Bah oui. Oui, on va prendre le journal. Ok. Donc, qui c'est qui prend le journal ? Pas moi. La personne qui lit italien. Ok, non, bon, on sait jamais. On va pas faire l'erreur tous les jours. Qui vont se tenter, hein. Ok, donc, tu prends le journal tout en prenant votre petit déj, voilà, tu commences à lire un petit peu les potins, tous les petits articles intéressants. Et très vite, tu tombes sur un article évoquant qu'il y a une femme, en gros, a été témoin d'un meurtre horrible. Cette femme qui se nomme Anselma Moretti a retrouvé le corps de son fiancé Mario Rossi empalé sur une pique de fer de 3 mètres de haut, la gorge déchiquetée comme s'il avait été égorgé par un animal sauvage. En ce moment même, Anselma est interrogée au poste de police de la ville. Empalé sur une pique en fer haute de 3 mètres ? Ouais, à 3 mètres de haut. C'est un truc un peu barbare, hein, j'ai envie de dire. C'est pas barbare. Ça ressemble clairement au fait que nous avons lu la veille, qui s'est déroulé. Comment c'est la ville déjà ? À Milan. Non, Milan, c'était plus... C'était vraiment une sorte de sacrifice qu'il y a eu, c'était un rituel. Là, c'est... Bah, je pense que tu te rappelles plus de ce qui a été dit à propos de l'article que vous avez lu sur... comment il s'appelle? Faccia, là. Oui, son corps a été retrouvé à je sais pas combien de mètres de haut, dans un endroit complètement impossible. Et puis il était mentionné cette histoire de bête féroce. Oui, non, mais j'étais. Je sais pas pourquoi, pour moi, Artolo Faccia, je croyais qu'il a été, utilisé en rituel pour les organes. Oui, ça c'était le syndicaliste. Mais c'était, voilà. C'était quand on lui a enlevé ses poumons, effectivement. Alors là, c'était pas celui-là. Voilà, donc là, voilà, il a été. Donc cette personne-là, Mario Rossi, donc empalé sur une pique de fer de 3 mètres de haut. Et il a la gorge. Enfin, il a été égorgé par un. Comme s'il avait été égorgé par un animal sauvage. Alors, je vais à la rubrique nécrologie pour voir ce qu'était comme profession ce monsieur Rossi. Eh bien, je ne sais pas. Profession de monsieur Rossi. C'est pour voir si c'est quelqu'un d'important ou pas, en fait. C'est non, c'est un gars random. Un cordonnier, un truc à la con comme ça, d'accord. Ouais, non, c'est juste voilà, un gars. Il n'était pas important sûr, il pas pour la vie. Professeur en sciences occultes. C'est okay. pas quelqu'un d'un enfin d'une personne une personnalité de la ville quoi. Si tu pars par là. OK. Bah personnellement, j'ai allé me resservir un café. La journée va être longue, je pense. Au même moment en fait que vous êtes en train de discuter de tout ça. Vous voyez une femme arriver dans votre direction et vous la reconnaissez et Peter tu la reconnais parce que non ce n'est pas Maria mais c'est sa servante. Bis qui arrive et elle vient te donner une lettre en main propre. Et elle regarde Emilio puisque elle parle en italien, elle ne parle pas l'anglais, mais elle vous remercie encore pour l'aide que vous avez offert à sa maîtresse. Et du coup, elle vous fait part que par cette présente lettre, eh bien, mademoiselle Stagliani vous invite aux funérailles de son père et pourrait lui rendre visite à son domicile. Puisque l'adresse y est mentionnée. Voilà, et si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait aller la voir à ce moment-là. Voilà, si vous avez des questions okay. Ou quoi sur la ville. Voilà, mais en tout cas, vous êtes invité aux funérailles de son père. Voilà. Ah, bah, qu'est-ce que je te dis, ça? C'est plutôt sympa. Ah, c'est méga festif, quoi. C'est vraiment la personne la plus sympathique. Je comprends pourquoi on craque sur elle, quoi. Viens, on fait un petit date au funérailles de mon père. C'est vraiment... c'est pour l'ensemble du groupe, l'invitation. Ce n'est pas que pour Peter. Mais elle va naturellement vers Peter. C'est le principe d'invitation au funérailles. Je trouve ça génial. Puisque c'est Peter qu'elle a vu... Oui, il n'a vu que dans le train. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas ouf d'aller pour des funérailles, mais bon. quelque part, elle tenait à ce que vous soyez présent. Non, mais moi, c'est pas grave, j'adore les funérailles. À chaque fois, je fais des... Je fais un peu de cartomancie et je m'éclate. D'accord. C'est pour le jour même ? Non, non, non, non, c'est pas le jour même. C'est dans 2 jours, il me semble. Si l'UMJ ne se trompe pas, c'est dans 2 jours. Je crois là. Ça nous laisse 2 jours de rechercher tout ça et puis on pourra y aller tranquillement. Un esprit tranquille, oui, tout à fait. Mais par contre, ça permet d'avoir une idée aussi. Peut-être que ce que nous recherchons là se trouve sur une statue dans un cimetière. Ouais. Pourquoi pas ? Oui, c'est pas bête, je trouve, par rapport au texte. D'ailleurs, est-ce que... En mode mémorial. Avez avec vous l'enveloppe, tout ça, la lettre, Oui, je l'ai. On a dit qu'on les a pris. Elle est cachetée. Oui, mais j'ai l'enveloppe. Mais oui, Peter, il l'a dans sa veste. Ah, attends, il y a le saut. Moi, je vais vérifier les 2 sauts. C'est bien marqué. Alors... en plus. Son petit-fils est mort à Monte Gappa, aux côtés de mon chien Marco. Et du coup, peut-être si on trouve des tombes là-bas, peut-être. Ah oui, pas faux. Moi, ce que je me demandais, est-ce que là tout, maintenant, sur cette table de petit déjeuner, vous avez amené l'enveloppe et la lettre ou pas? Alors, c'est oui. L'enveloppe. Et comme je suis négligent comme pas deux, j'ai dû la déposer quelque part dans la chambre. Pièce. Ouais, D'accord. Et... Non, c'est tout. Mais... Donc, elle est pas présente ici, non, sur cette table. Non. Mais moi, j'ai une question, c'est est-ce que le sceau qu'on a fait sur la lettre, c'est le même que celui qui a sur la lettre? Non. Alors, effectivement, il y a un cachet, il y a un sceau, mais ce n'est pas le même. C'est un chien qui tient un âne dans les bras. Non, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... C'est pas celle-là. D'accord. Est une bonne idée si on trouve une tombe d'un certain Marco. Bah après, on va trouver pas mal de tombes d'un certain Marco. Ouais, mais mort à la guerre, monté. C'est ça. Et puis même un mémorial aux morts, faut voir dans la vie s'il n'y a pas ça. Même voilà, une tombe d'un soldat. Il y a sûrement un monument, ouais. On va retrouver ce Marco. Plus à l'endroit où ils sont morts, pas forcément dans cette ville. Mais, ouais, parce que les trucs du soldat inconnu et tout ça, c'est plus lié avec la Seconde Guerre mondiale. Ouais, mais on ne sait pas. Mais, et même le mémorial, c'est la même chose. Bon, au bout d'un moment, vous voyez quand même que la servante s'en va. Oui, au revoir, madame. Hein, en espérant vous voir au funérail. Voilà, donc, que faites-vous? La journée commence. Vous avez quelques pistes. Bon, on va commencer par quoi? Bah, le plus important, ça serait peut-être de savoir où est passé ce que nous cherchons, donc la lettre. Tu avais dit qu'il fallait aussi aller à Maria, Santa Maria. L'église Santa Maria. L'église Santa Maria Céleste. Ça me semble de moindre importance, mais il faudrait quand même aller voir ce livre. Ce que je peux faire, moi, c'est que j'essaye d'aller à Santa Maria Céleste. On peut se partager, hein. On peut se dispatcher. Donc, les personnes qui sont plus douées pour chercher dans la bibliothèque vont à la bibliothèque. Les autres vont pas à la bibliothèque. Je vais te dire, il faut aussi peut-être qu'on se renseigne sur la victime d'hier soir. Ça me semble aussi important, parce que si... quelqu'un nous suit et laisse encore des victimes, faut mieux qu'on soit au courant, quoi. Qui était l'homme qui a été, etc. Peut-être des informations qui seront importantes par la suite. Ouais. Mais après, avoir des informations sur lui, ça va être compliqué. Là, tous les journaux vont vouloir savoir. Et la police aussi. Et du coup... faire une enquête tranquillement, on va pas pouvoir poser juste quelques questions. Oui, et puis on a quand même un journaliste avec nous. On peut ne pas faire tâche justement dans ce flux de gens qui cherchent. Oui. Moi, j'ai peur de nous exposer en allant là-dessus. Je comprends. Bon, du coup, vous proposez quoi, vous ? Moi, je suis plutôt chaud pour aller à l'église pendant que d'autres cherchent. Moi, l'élément qui retient assez mon attention, c'est quand même cette statue brisée, restaurée. Enfin, je focalise sur l'objet qu'on cherche et j'ai envie de trouver des renseignements là-dessus. Je me dis, c'est assez récent pour qu'il y ait peut-être des informations assez faciles à trouver, de savoir si une statue a été récemment restaurée. Je ne sais pas. Récemment, ça dépend, parce qu'on sait quand même que ce n'était pas d'hier. C'était il y a quand même plusieurs années, voire. Il y avait de la poussière sur quelques années. On l'avait récupéré. Oui. Bah là, clairement, tu peux te dire que la lettre a été posée le même jour que la jambe a disparu. Oui, mais c'est pour savoir quand est-ce, c'est pour à peu près se dire quand est-ce qu'elle a disparu la jambe. C'est juste ouais, pour ça. Tu te dis que ça doit bien, ça peut faire genre 4 ans peut-être. Bah tu te dis comme ça, c'est en ça le fait plusieurs années. Voilà, c'est ça, joli, la lettre est jolie. Hein. Oui, probablement, oui. Elle a pris un peu d'humidité, voilà quoi. C'est une lettre jaunie, hein, donc là, ça fait pas, ça date pas de la tire, quoi. Mais vu comment on réagit les différents artefacts avec nous, on peut se dire aussi que l'écrit du diable, où se trouve l'écrit du diable, se trouve peut-être aussi la jambe du diable. Grossièrement. Ça serait pratique. Sans être pratique, c'est aller chercher là-bas une statue qui aurait pu être restaurée où l'une de ses jambes aurait pu être restaurée. C'est la jambe gauche, c'est ça ? Ouais. C'est la jambe gauche, ouais. Ouais. Si la jambe gauche de la statue est restaurée, bah on peut se poser des questions. De toute façon, ça se verra, hein, si le plâtre ou le marbre dessus n'est pas très... Ou même si elle a l'air libre, la jambe, et qu'on voit que c'est qu'elle est composée de des mêmes matériaux que les autres. Voilà. C'est un matériel assez spécial, non, il me semble. Les artefacts qu'on cherche. Céramique, je crois, un peu céramique. Enfin, c'est comme une jambe de statue. Ah oui, oui. C'est tout à taille réelle, hein, évidemment. Et c'est la matière, en gros. C'est ultra solide. Alors, ça se pète. C'est incassable. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle. Par contre, c'est ultra léger. T'as l'impression que c'est très lourd, mais c'est ultra léger. Et en fait, chaque pièce en fait, est recouverte de symboles qui représentent la pièce en question, mais en genre en micro, enfin en tout petit quoi. Mais il y en a plein qui recouvrent la pièce. Donc, genre la jambe gauche, ça va être plein de petits symboles de jambe gauche, tellement petits que ça va de loin, tu vas voir. Des petits symboles, mais tu verras pas ce que c'est. D'accord. Il faut vraiment t'approcher pour voir que ce sont plein de petites jambes gauches, et il en va de même pour chaque pièce. Ce sera un bras droit, un torse, enfin bref, voilà. Ah d'accord, je savais pas ce petit détail. Du coup, on risque de nous sauter aux yeux si on tombe sur cette statue restaurée. Oui, mais je me dis que si jamais elle est restaurée, il n'y aura pas ça directement dessus. Ça sera... elle sera plâtrée, tout ça. Ah oui, oui. Du coup, que comptez-vous faire maintenant? Alors, Emilio, lui, est parti pour essayer de trouver cette fameuse église San Maria Céleste. Est-ce que nous, on ira à la bibliothèque ou au cimetière d'abord? C'est intéressant, la piste du cimetière. Ouais, j'ai bien envie d'essayer. Mais le cimetière, ouais. on va y aller bientôt, de toute façon, dans deux jours. Oui, mais autant qu'on y aille avant les enterrements, parce qu'on sera occupé à autre chose. Mais moi, je serais bien aussi parti à la bibliothèque pour avoir les articles des morts pendant la guerre et peut-être pour les Marco enterrés à Venise, quoi. Mais bon, après... Je peux aller à la bibliothèque, si vous voulez. Je vous laisse aller au cimetière. Bah, vas-y. Oui, c'est très bien. Va rejoindre Foscari. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu prends pour aller à la bibliothèque, Catherine? Une pelle. Une pelle. Bah, je vais demander la lettre. L'enveloppe et la lettre, ok. Ouais, de toute façon, Foscari, il est de confiance maintenant avec tout ce qu'on lui a. On lui a demandé des souterrains et tout pour la basilique. Je pense que s'il voudrait nous dénoncer, il l'aurait déjà fait. Tu te prends de l'ail. Non, ça, c'est pas mon perso, ça, qui a de l'ail tout le temps sur lui. On n'y avait pas dit à Foscari que c'était pour écrire un film qu'on était là ou... Je me rappelle. Si, c'est là, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est... donc on peut y aller. On a des sources historiques. Ouais. On est là pour le film et on cherche des sources historiques. Exactement, c'est ça. On est là pour les sources historiques. Donc, nous, on a trouvé cette lettre. On va lui demander des informations. Donc, ouais, non, moi, je prends juste la lettre. Et. Pierre, parce que dessus, je pense. On fait plusieurs films. Oui, et puis on fait 15 films, là, ça va. Ok, donc ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir. On va essayer donc du coup d'avancer. Ouais. Dans un premier temps, alors y a pas de souci. Je vais m'occuper de Catherine qui va donc aller à la bibliothèque pour rencontrer Foscari et lui présenter du coup cette lettre. Donc vous partez tous chacun de votre côté vers là où vous voulez vous renseigner. De ton côté, Catherine, tu très rapidement, tu arrives à la bibliothèque où Foscari, toujours présent. Alors, il fait pas que s'occuper de vos histoires. Hein, il a aussi des choses à faire pour lui. Donc, tu vas le voir et il faut qu'il bosse sur des choses à lui. Mais bon, très vite, dès qu'il te voit, il arrête de faire ce qu'il fait et il te demande, du coup, puisqu'il parle un anglais. Pas exceptionnel, mais ça va. Ce que t'as besoin comme information. Je lui montre la lettre, mais pliée en deux, à la césure du texte entre les deux paragraphes. Pour qu'il a juste le dessus sans qu'il a le truc sur mon Dieu, J'ai violé la loi sacrée de notre église, etc. Donc tu lui donnes juste la lettre ou l'enveloppe avec? Ça qu'elle est cachée sur l'enveloppe. Bah, je lui donne... En gros, tu vois, genre, je sors la lettre de l'enveloppe pour pouvoir la plier en deux et lui montrer, t'as vu, là, sa statue était brisée, tatati, tatata. D'accord. Tu vois que... Et je lui donne l'enveloppe avec, mais pour qu'il puisse regarder le cacheton. Et en gros, je lui explique... concrètement tout ce qu'on s'est dit avant, donc on aimerait savoir un peu plus sur cette guerre, sur est-ce qu'on peut remonter, savoir qui c'est, et je lui montre le cacheton pour voilà, qu'on sache un peu tout, et je l'aide à chercher. Ok. Bah, du coup, au moment où tu donnes ça, tu vois que avant de s'occuper de la lettre, très vite, il a les yeux sur le sceau de l'enveloppe, et il te dit « Ah !» Ça, c'est les sceaux de la famille Grimansi. C'est une famille très importante, une ancienne famille de princes de la ville. Ils sont maintenant connus pour être des fabricants de poupées. Ah, c'est... D'accord. Voilà. Mais si, c'est la famille Grimansi, mais vous avez trouvé cette lettre où? Elle a l'air d'être assez vieille. Oui, comme dit, comme nous sommes en train de tourner un film, nous avons été chercher un peu des sources ici et là, et un des frères de l'église nous l'a donné, ils avaient trouvé ça, il fut un temps, et ça nous permet de remonter un peu. Voilà, c'est... vous savez, nous, on n'hésite pas à aller chercher ici et là... des informations, nous sommes très contents de à quel point vous nous aidez. Bien, oui, disons que ils ont été... c'est une famille très réputée pour leur fabrication de poupées, et il est vrai que pendant la Grande Guerre, ils ont beaucoup aidé la ville, car ils fournissaient des membres artificiels, des... ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Des extensions, quoi. Enfin, ils remplacent les corps. Ouais, voilà, c'est des genre... prothèses. Il y a un problème. Des prothèses pour les blessés. Ils fournissaient des prothèses pour les grands blessés de la guerre. Voilà, et pour ça, soit gratuitement ou à des prix très très bas. Voilà, ils ont eu une usine familiale dans la ville. Très bien. Ouais, vous la trouverez Campo della Bambino. Ok, bah très bien, bah c'est très très efficace. Bah du coup après, tu vois qu'on vous paye pas plus, hein. Il va regarder un peu la lettre. Ouais, après il te dit que tout le monde connaît la famille Grimanti. Bon, t'aurais montré ça à n'importe qui dans la rue, un Vénitien, il t'aurait dit la même chose. Hein. Moi ce que je lui demandais, c'est qu'on fouille ensemble genre les rubriques nécrologiques et savoir où est-ce qu'il a été enterré, quoi. Du coup, en fait, et discrètement dans le truc pendant qu'on recherche, qu'il me demande d'ouvrir un livre, un truc comme ça, je lui demande s'il sait, du coup, vis-à-vis de la statue, quoi. Il essaie de comprendre la statue, est-ce que c'est celle à qui elle est, en fait, est-ce qu'elle fait partie d'un membre de la famille, etc. Enfin, tu vois, genre, j'essaie d'avoir les petites infos dans la conversation. Compliqué. Bah après tu vois que quand tu regardes un petit peu, il survole la lettre, il te dit que Marco, il sait que Marco c'est Marco Grimanti, un des membres de la famille qui est mort pendant la guerre, mais après cette histoire de ce qu'il dit là, il comprend pas trop, en fait. Il sait pas de quoi ça parle. Enfin, il comprend pas trop l'histoire, en fait, qui est évoquée là. Oui, bah, nous non plus. voilà, après, il te dit que oui, son frère est enterré probablement dans le grand cimetière et probablement dans le caveau de la famille Grimanti. Mais voilà, quoi. Après, il ne saura pas te dire de plus. Et au passage, ouais, bah, sinon, vous l'avez trouvé, là, l'église Non, pas encore. Maria Céleste. Nous partons la chercher en ce moment même. Vous savez, on a beaucoup de choses à gérer. Je coupe très court la conversation. Je le fais comment? Je suis très pressé. Je le paye s'il veut être payé tout de suite. Et je vais courir rejoindre les deux personnes qui allaient au cimetière, parce que comme ça j'ai nom de famille, ils sauront quoi chercher. D'accord, ça sera peut-être plus évident pour eux. Donc j'essaie de les rattraper, quoi. Tu cours dans leur direction, même si eux, je pense que avant que tu les rattrapes, ils seront probablement déjà. Mais l'idée, oui, c'est que je les retrouve là-bas. Ouais. Et on va passer à Emilio. Emilio qui, lui, en gros, essaie de trouver où pourrait se trouver cette fameuse église cette fameuse église. Donc comment tu essaies de la retrouver en fait? Je demande au personnel de l'hôtel si ça vous se trouve cette église. Ils en ont jamais entendu parler. Bah ensuite, je vais aller voir. Je vais retourner voir, tu sais quoi, le père Tonio. Ok. Et je vais aller lui demander à lui. Bah écoute, tu retournes à la basilique Saint-Marc. Et puis, tu vois que votre intrusion n'a même. Enfin, personne n'a rien calculé. Hein, que les gens sont toujours là en train de vaquer à leurs trucs. T'as toujours les guides qui sont en train de montrer les différents étoiles, les frères qui passent un peu à droite à gauche. Donc, personne n'a remarqué que vous étiez passé pendant la nuit. Je suis hâte un peu de jour si ça se voit beaucoup qu'elle a été déplacée ou pas là. Bah, tu te dis que si tu sais. Tu peux voir, mais quelqu'un qui n'est pas au courant, tu verras jamais quoi. Donc c'est plutôt cool. Et tu finis effectivement par quelques minutes à chercher, tu finis par tomber sur le frère Tonio. Et tu t'approches de lui et fais ah, que puis-je pour vous ? Bien un renseignement en vérité. Oui. On m'a parlé d'une église, mais quand j'en parle à des personnes, personne ne sait me dire où elle se trouve dans la cité. Donc, je dis que peut-être. Ah, vous, alors, quelle église? Dites-moi. Comment elle s'appelle? Ah oui, Santa Maria. Santa Maria Céleste, voilà. Ah, c'est normal que personne ne la connaisse, car elle est détruite. Elle n'existe plus. Elle a brûlé dans un incendie de l'arsenal en 1569. Puisque c'était pendant les travaux du chantier naval, celui-ci a brûlé. On pense que ça vient de saboteurs ottomans. De nombreux ouvrages et manuscrits ont brûlé avec, mais a priori, peut-être que certains n'ont pas brûlé, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est au niveau de l'arsenal, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est ce qui se trouve à sa place. C'est encore l'église, mais détruite. Plus personne n'y va. Personne n'a jamais voulu toucher à cette église. Nous avons voulu la laisser telle quelle, mais. Et c'est en quelle année qu'elle a été détruite? Excusez-moi. En 1569. Très bien. Donc oui, ça fait quelques années, effectivement. Oui, oui. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup. Est-ce que vous voulez aller la visiter, peut-être? Bah, je vais essayer de voir les décombres, au moins. Je me demande bien. Alors, faites attention, parce que logiquement, vous ne devriez pas y aller, si je puis dire. Voilà. C'est un conseil. Ah, pour l'amour de notre Seigneur, j'aimerais visiter le plus de lieux saints et de lieux spirituels possible, même s'ils ont brûlé, même par des impies, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ok. C'est une sorte de pèlerinage. Bah, il te donne un petit peu l'endroit où tu pourrais, enfin où tu vas la trouver en gros, hein, l'endroit exact du site. Mais bon, il te redit quand même une dernière fois. On regarde de loin, quoi. C'est mieux. Ouais. En plus, si quelqu'un te surprend là-bas, bon, tu risques d'avoir des problèmes. Voilà. Et le cimetière, là, il se trouve pas loin ou pas de la basilique? De quoi? Le cimetière, il se trouve pas loin de la basilique ou pas? Ah non, c'est pas à côté. Non, il faut. D'accord. Ouais. Bah, Avec les informations que j'ai, en vrai, vaut mieux pas que j'y aille seul, je pense, et surtout pas de jour, j'imagine. Donc autant, bah, je sais ce que j'allais faire. J'allais essayer de trouver des informations sur cette femme qui a vu son mari mourir, et j'ai essayé d'aller voir le réseau que j'ai de base sur. D'accord. Dans la ville. Ça marche. Bah, tu dis au revoir au frère Tonio et effectivement tu vas te diriger un peu vers ton réseau de faire appel à ton réseau pour trouver des informations. Pendant ce temps-là, Peter et Albert eux sont arrivés au cimetière. Et qu'est-ce que vous faites? Comment vous y prenez? Eh ben, on va faire un tour du cimetière. Est-ce qu'on peut parler au gardien peut-être du cimetière? Le gardien, oui, bonne idée. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez au gardien, vous allez me faire un jet de chance, s'il vous plaît. Ouh, ça passe pas chez moi. Attends. J'ai fait 89. Merde, j'ai perdu les 3 points de chance qui m'auraient réussi. C'est vrai en plus. Horrible. J'ai fait donc 50... c'est raté. Ouais, c'est raté. Quand vous arrivez face au gardien, le gardien vous dit hey, come stai? Prego. Oh merde. Mais bonjour. Hey, quelque chose de pour toi. Je regarde mon ami là, Albert. bah du coup, c'est, ouais, ça va être pour lui parler tôt. Ça va être compliqué. Ah ben on lui fait comprendre qu'on parle pas italien. Hein. J'avais essayé, tu vois, avec les mains, de me faire comprendre avec un semblant d'italien. Ouais. Et je vais essayer au mieux. De lui dire ce que je sais. Donc nous cherchons Marco. Marco, do you know Marco? non parla inglese. Parla italiano? Italiano. Oh, je suis un homme de la tête. Non parla inglese. Sì, du coup, oui. Mi dispiace, ma non parlo inglese. Non lo so. Arrivederci. E je m'en vais. Enfin, je vois qu'avec Albert, on va pas. Ciao. Bon, on peut quand même s'avancer dans le cimetière. Oui, non, mais tu peux rentrer. On va rôder dans le cimetière. On va essayer de trouver si. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est particulièrement peut-être, c'est de trouver des statues. Allez-y. Tu vois que. Enfin, vous voyez en tout cas qu'il y a des coins où bah, il y a des caveaux, il y a des statues, mais bon, c'est plus des statues de déesses romaines, comme ça, enfin. Mais elles sont pas forcément à taille humaine, c'est plus des tailles, enfin, assez grandes, d'autres plus petites. Il y en a qui sont cassées, il y en a qui... C'est... Voilà. Il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à ce qu'on cherche, quoi. Bah, là, comme ça, non, tu vois que c'est quand même bah, des statues. Après, tu as des statues d'hommes cassés, des tailles qui sont pas à proportion humaine. Petites. Il y a plein de statues. Après, il y en a des statues que tu pourrais dire, ah, ça pourrait coller, mais quand tu t'approches, tu sens que ça correspond pas trop à ce que vous voulez, quoi. Enfin. Et vous tournez comme ça pendant un petit moment. Et puis, vous êtes un peu perdu. Et au bout d'un moment, vous entendez une femme qui vous... Enfin, une voix féminine qui vous appelle. On se tourne. Elle prononce nos prénoms. Ah oui. Ah oui, complètement. Ah, ça doit être Maria. Tu te retournes et ce n'est pas Maria. Pas ma déception quand je vais remarquer. Bah non, tu illumines quand même ma journée, Catherine. Donc ça... Ah bah merci. J'ai failli mal le prendre. Hein. Non, non. Tu me connais, mon côté un peu farceur et taquin. Jamais je me permettrai non plus de me montrer insultant et dégradant envers envers les femmes. Il n'y a que envers Emilio que je le fais. Salaud. Salaud. Votre père est un salaud. Les amis, j'ai trouvé une information qui nous sera fort utile. Je vous ai rejoint le plus rapidement possible, sachant que vous étiez dans la bonne direction. La lettre a été très utile grâce au cachet dessus. On connaît le nom de famille. Et à vrai dire, un peu qui sont dans cette ville. Il s'agit de la famille Gremancy. Après, je dois avouer que je comprends un peu mal l'accent italien, donc il faudra chercher un nom très similaire. En tout cas, ce sont des fabricants de poupées qui ont été connus pendant la Grande Guerre pour fabriquer des prothèses dans leur usine familiale. Et ils ont un caveau, rien qu'à eux, au cimetière. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent correspondre. Bah, essayons de trouver un caveau avec cette marque. Hein. Et c'est sûr, c'est un... Il me semble, avec l'accent. Et c'est sur cette information que nous allons nous arrêter. Ah. Je vais donc mettre l'outro et on se retrouve juste après.